Et la nuit prochaine, minima 11 à 13 degrés. Demain, ciel assez dégagé avec quand même un risque de quelques ondées. Et par contre, de mercredi à vendredi, à nouveau des averses en bonne et due forme, parfois ponctuées d'un coup de tonnerre, maxima 14 à 20 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Ils ont envahi Lyon. Quelques 15 000 supporters belges mettent l'ambiance depuis ce matin, à quelques heures de Belgique-Italie. Seb Joris est avec nous depuis Lyon. Il nous décrit l'ambiance de folie et on plante le décor avec Manu Jousse. Jusqu'à 500 emplois sur la sellette dans les magasins Macro et Métro. La direction l'a annoncé au personnel ce matin. Le groupe souffre de la concurrence. Les gardiens de la prison de Nivelles reprennent le travail après 7 semaines de grève. Retour progressif pour éviter trop de tensions à l'intérieur de la prison. Un loup solitaire. Le profil se précise pour Omar Mateen, l'homme qui a tué 49 personnes à Orlando et la pire fusillade des États-Unis. Il s'appelle Pepper et c'est la nouvelle recrue d'un hôpital liégeois. 1 mètre et 3 roues, le premier robot pour guider les patients. Investissement de 30 000 euros. C'est le journal sur Vivacité avec Lionel de Neubourg. Bonsoir Lionel. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Oh Belgique, oh mer chérie. Italie, c'est les meilleurs, monsieur. Le match des supporters a donc commencé à quelques heures du choc Belgique-Italie. Oui, une entrée en matière forcément spéciale pour les Diables Rouges contre les Italiens. H-4 maintenant avant cette rencontre. On va jauger l'ambiance à Lyon. Bonjour Sébastien Joris. Bonjour. Alors je ne vais pas dire que vous écumez les bars depuis hier, quasi hein, Sébastien. Est-ce que les supporters belges sont chauds cet après-midi ? Ah oui, ils assurent le spectacle bruyamment. Allez Lyon, chante avec nous. On entend ce refrain depuis midi, la Brabançonne aussi, et puis tout le répertoire traditionnel du supporter, parfois en français, parfois en néerlandais. Nous sommes place Bellecour, dans le centre. Les Belges ont pris possession de la fanzone, mais aussi de la grande rue juste à côté. Ils ont ouvert une fenêtre au premier étage d'un café, et à partir de là, ils font sortir un énorme baffle. Des centaines de personnes dansent sous cette fenêtre, et on voit parfois surgir un gros ballon gonflable. Ce ballon passe de main en main et rebondit dans la foule comme une balle magique. Ça donne encore plus de mouvement à ce qui est en fait une véritable parade de supporters noir, jaune, rouge. Des supporters belges au taquet et confiants que vous avez rencontrés cet après-midi. La preuve avec, c'est quelques pronostics. Les Italiens vont au coup de bluff, s'essayent de cacher leur tactique, etc. Mais bon, en tant que supporter belge, on y croit à fond. Et j'espère une victoire 3-1 des Belges. Je m'en méfie toujours parce que l'Italie en phase finale a toujours été très bonne. J'espère une victoire 2-1, mais un match nul serait déjà une belle victoire. On sait qu'on n'aura pas beaucoup d'espace, mais il faudra avoir, à mon avis, on aura bien sûr 4-5 occasions. Il faudra en mettre une ou deux au fond, mais je pense qu'on va gagner 2-1. Alors Sébastien, vous qui êtes nos yeux et nos oreilles là-bas, dites-nous qui donne le plus de la voix, belge ou italien ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup plus de supporters belges que d'Italiens. C'est déjà ça. Et donc, les Italiens sont très prisés, très demandés pour les photos. Puis, pour ce qui est de la fête, eh bien, ils sont adoptés et intégrés aux farandoles. Et jusqu'ici, Sébastien, pas de débordement. Tout se passe dans une bonne ambiance. Tout se passe dans une très bonne ambiance. Nous venons d'avoir un contact avec un policier belge qui assure le suivi des supporters. Et jusqu'à présent, tout se passe, et je reprends ces termes, magnifiquement bien. Même tonalité à la police de Lyon. Aucun incident important à signaler. Merci Sébastien. Sébastien Joris, en direct depuis Lyon avec les moyens techniques d'Ariane Dufresne. Alors Belgique-Italie, c'est évidemment du costaud, Lionel, comme premier match. Est-ce qu'on a nos chances ? Évidemment qu'on a nos chances, parce que l'Italie est dans le creux ces derniers mois. C'est plus l'Italie finaliste de l'Euro d'il y a 4 ans, mais la squadra Azzurra, même en demi-teinte, ça reste du lourd. Alors jouer l'Italie pour entamer le tournoi, bonne ou mauvaise chose ? L'analyse de notre fin limier Manuel Jousse. En tant que tête de série de son groupe, la Belgique aurait pu éviter un gros morceau au premier tour. Pas de chance, le sort lui a réservé l'Italie, finaliste de la dernière édition. Cela dit, la Squadra est connue pour ses montées en régime en mode diesel, quitte à l'affronter autant que cela soit d'emblée. Raja Nengolan, médian de la Roma. Ouais, je pense, parce que l'Italie, s'il prend confiance, ça peut être vraiment difficile. S'ils passent les groupes, ça peut être vraiment difficile parce que tactiquement, ils ont fort et s'ils prend encore plus confiance, ça peut être vraiment difficile. C'est pas qu'ils ont des grands noms comme Totti quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Maintenant, c'est plus d'équipe et je pense qu'ils ont quand même une grande équipe. Une grande équipe, mais dont les stars, à part le gardien Buffon, ont disparu. Les Pirlo, Totti et autres Del Piero appartiennent au passé. La défense vieillit, l'attaque marque peu et l'entrejeu est diminué par des blessures. Bref, dans la botte, on ne pavoise pas. Emmanuel Gamba, journaliste à la Repubblica, n'y va pas par quatre chemins. Je crois qu'il est l'équipe la plus faible de l'histoire du football italien. Nous sommes au niveau le plus bas, je crois. Même si cette équipe a une bonne organisation, c'est une équipe très compacte et compte, c'est un bon entraîneur. Et donc, je crois que l'Italie ferait le maximum qu'elle peut faire. Mais le maximum n'est pas suffisant pour gagner l'Euro. Un constat sévère, peut-être excessif, mais que la Belgique tentera tout de même de confirmer ce soir pour son grand retour dans un Euro. Voilà pour le décor planté par Manu Jousse qu'on retrouve tout à l'heure au commentaire sur Viva. On a beaucoup parlé des débordements en marge du match Angleterre-Russie et les premières condamnations viennent de tomber. Ah oui, pas question de traîner, la justice française veut étouffer dans l'œuf les pulsions des hooligans avec des comparutions immédiates. Deux supporters anglais viennent d'ailleurs d'être condamnés cet après-midi à 2 et 3 mois de prison ferme. Un infirmier et un chef cuisinier qui sont également interdits de territoire pendant 2 ans sur le sol français. Le coup de massue pour le personnel de Macron. La direction belge du groupe annonce un vaste plan de restructuration, des centaines de pertes d'emplois possibles, jusqu'à 500 d'après la direction. Au Macro d'Aller du côté de Liège, c'est quasiment un tiers du personnel qui pourrait être licencié. Guy Jamoul, délégué de la CESC, met en cause la stratégie de l'entreprise. Pour le siège d'Aller, nous arrivons à moins 66 effectifs temps plein, donc ce qui correspond à 83 personnes. C'est beaucoup plus qu'un quart, oui, c'est énorme. Ce n'est pas la première restructuration, ce magasin s'est déjà réorganisé il y a peu de temps. Oui, il y a 2 ans, une nouvelle organisation de travail. Ce magasin souffre de quoi ? Ce magasin souffre de concurrence. De concurrence de proximité. Il aurait fallu réagir plus tôt. Il y a vraiment trop d'effectifs ? L'effectif, c'est une target que des commerciaux inventent pour une façon de travailler. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a trop d'effectifs parce qu'ici, actuellement, on ne sait pas travailler sans intérimaire ni sans CDD. Le chiffre d'affaires est mauvais ? Oui. Plus de 50 millions en moins, c'est énorme. Donc c'est vraiment un magasin en crise ? C'est un magasin en crise. Alors la direction annonce qu'elle va chercher à éviter les licenciements secs. Ça vous semble réaliste ? Non, malheureusement non. Ça ne me semble pas réaliste, en tout cas cette fois-ci. Interview de Michel Gretry, d'un délégué de la CSC. Premier acte aujourd'hui de la CGSP dans son programme de grève tournante dans les services publics, grève dans les provinces. Celle de Liège a commencé le mouvement aujourd'hui avec peu de perturbations finalement, sauf dans certaines administrations. Les gardiens ont repris le travail ce matin à la prison de Nivelles. Oui, après 7 semaines de grève, les agents pénitentiaires sont de retour. Retour amer, ils estiment ne pas avoir obtenu grand-chose des négociations. Pour des raisons de sécurité, le retour à la normale à l'intérieur se fera progressivement. Reportage devant les portes de la prison de François Louis. Sur la grosse porte en acier de la prison, un papier annonce que les visites ne reprendront normalement qu'à partir de mercredi. Par prudence, les mouvements de détenus à l'intérieur de la prison resteront limités durant les premiers jours. Après 7 semaines de grève, la direction veut prévenir d'éventuelles réactions agressives ou d'insubordination de la part des prisonniers. Mais à entendre les gardiens qui finissaient leur service ce lundi après-midi, tout s'est bien passé. Comme d'habitude. Sans tension, très bien passé. Ça a pris les bonnes habitudes. Sans doute aussi une pointe d'ironie dans les propos de gardiens qui ont le sentiment de ne pas avoir obtenu grand-chose dans la négociation. La frustration est palpable. Vous êtes gardien ? À votre avis. Vous reprenez le travail dans quel état d'esprit ? Très bon. Ben, je rentre avec beaucoup d'émotion parce que c'est un métier qui est très dur et à la fois il faut être beaucoup plus souple. C'est tout, voilà. Ajoutons que la prison de Nivelles, avec moins de 300 détenus dans un bâtiment relativement récent, n'est pas considérée comme une prison difficile du pays. En reportage à Nivelles de François Louis, à la prison de Saint-Hubert, par contre, les agents ont voté pour la poursuite de la grève. Même chose à la prison de Marchand-Famène. Autre grève, celle des fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux chargés du paiement des salaires des enseignants. Ces fonctionnaires mettent fin aujourd'hui à leur mouvement. Le gouvernement de la Fédération s'est engagé à réduire le sous-effectif. Au lendemain de la tuerie d'Orlando, le profil du tueur se précise. Omar Mateen, auteur de la pire tuerie aux États-Unis. L'attaque contre ce club gay a fait 49 morts, plus le tireur. Les enquêteurs américains fouillent maintenant son passé. Ils vérifient entre autres, Daniel Fontaine, la réalité entre ses liens supposés avec le groupe terroriste État islamique. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat d'Orlando et le terroriste Omar Mateen avait téléphoné lui-même aux urgences alors qu'il était déjà barricadé dans les toilettes du nightclub. Il a dit alors avoir fait allégeance au groupe djihadiste. Mais on ignore s'il a réellement eu des contacts avec les dirigeants de l'État islamique. Les enquêteurs ont exploré une centaine de pistes. Ils ont juste découvert qu'il s'est rendu en Arabie Saoudite en 2011 et 2012. Dans ses contacts téléphoniques avec la police, Omar Mateen a évoqué la présence d'explosifs, ce qui a poussé les autorités à lancer l'assaut. Tout au long de l'attaque, Omar Mateen s'est montré calme, déterminé et systématique dans ses actions. Cet attentat a déclenché une vague d'hommages à travers le monde. Les dirigeants de nombreux pays ont exprimé leur solidarité. Des bâtiments phares du monde entier seront illuminés ce soir aux couleurs de l'arc-en-ciel, couleur du drapeau adopté par les lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Ce sera le cas de la Tour Eiffel à Paris, du pont de Sydney en Australie et chez nous de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Des rassemblements sont également prévus à de nombreux endroits et en particulier aux États-Unis. Un reportage de Daniel Fontaine. Le géant américain Microsoft délie les cordons de la bourse et pas qu'un peu. Plus de 23 milliards d'euros déboursés pour acheter LinkedIn, le réseau social professionnel. Il pèse 28 kilos pour 1m21. L'hôpital de la Citadelle de Liège a présenté aujourd'hui sa nouvelle recrue. Et qui s'appelle Pepper. C'est un robot humanoïde. Son rôle, accueillir, renseigner quelques 2500 patients chaque jour. C'est une firme belge qui a conçu Pepper et Éric Dagonier a pu le rencontrer ce matin. Je m'appelle Pepper. Et toi ? Bonjour, je m'appelle Romain. Je suis un robot assistant chargé d'accueillir et d'informer les patients. Aujourd'hui, j'aide les infirmières de l'hôpital de jour. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce robot ? C'est rassurant pour les enfants, c'est génial, c'est super bien fait. Romain vient passer une IRM aujourd'hui. Peux-tu lui expliquer comment cela va se passer ? Le but du jeu est d'apprendre à ne pas bouger et à s'habituer au bruit de la machine. C'est comme une infirmière qui m'explique comment procéder à l'IRM. Enfin, c'est plus chouette, plus impressionnant à voir. Catherine Gillen est infirmière à l'hôpital de jour pédiatrique du CHR. C'est très chouette. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Et il faut qu'on apprenne jour après jour à vivre avec ce nouveau partenaire de soins. Ça aide les enfants, ça dédramatise les soins. Et dans un service comme celui-ci, c'est vraiment important. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'humain risque d'être remplacé par le robot, par la machine ? Non, moi, je ne pense pas. Le robot est vraiment une aide. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose ? Selon la direction, l'utilisation du robot à l'hôpital doit permettre au personnel de se concentrer sur ses tâches médicales. À partir de 2017, la mission de Pepper sera de renseigner et guider les patients et les visiteurs dès leur arrivée dans le hall de l'hôpital liégeois de la Citadelle. Le reportage d'Éric Dagonier. Pepper, c'est un investissement de 30 000 euros pour l'hôpital liégeois de la Citadelle. On revient à l'euro avec le match entre l'Espagne et la République tchèque. Il n'y a pas que la Belgique qui joue aujourd'hui. Deuxième rencontre aujourd'hui dans le groupe D. Et c'est l'Espagne qui s'est imposée. Mais que ce fut compliqué, Christophe Reculé. Oui, les doubles tenants du titre ont dû attendre la 87e minute de jeu et un but de Gérard Piqué pour enfin faire sauter le verrou de la défense tchèque qui avait tenu bon jusque-là grâce à un bloc très compact, grâce à son gardien, Peter Cech, mais aussi par la maladresse des attaquants espagnols, toujours roi de la conservation du ballon avec 67% de possession aujourd'hui, plus de 600 passes réussies, 4 fois plus que leur adversaire, mais sans réussir à concrétiser, ce qui aurait pu leur coûter cher d'ailleurs, sur les quelques contre-attaques, et ce jusqu'à la dernière minute avec une dernière grosse occasion tchèque. Reste que cette victoire méritée, il faut le dire, permet aux Espagnols de rejoindre en tête du groupe la Croatie, et ainsi éviter de se mettre trop de pression pour le prochain match contre la Turquie, ce sera vendredi. Le résultat résumé du match avec Christophe Reculé. L'autre match du groupe de la Belgique se joue à 18h au Stade de France. Irlande-Suède avec l'entrée en lice d'une des stars du foot. On ne le présente plus évidemment. Vous aurez reconnu le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Et puis un mot encore de football pour vous dire que Nicolas Frutos ne sera pas le nouvel entraîneur, le nouveau coach d'Anderlecht. Le club a démenti l'info qui circulait depuis quelques jours maintenant. Anderlecht qui est sans coach depuis le départ de Besnikazi. Et alors que les entraînements des Mauves reprennent lundi prochain. Et vous, qu'est-ce que vous avez parié pour Belgique-Italie, Cyril ? J'ai rien parié, mais par contre, je vais profiter d'une bonne soirée de regarder le match. Vous avez parié quoi ? Un partout. Un partout ? Bah, ah, ouais, bah, petit joueur, j'ai envie de dire réaliste. Aussi. Dis donc, vous avez vos accessoires de supporters de Diable pour ce soir ? J'ai les petits sticks là pour mettre les drapeaux. Ah, le hein. Stick tricolore ouais. sur la peau. Et à la, c'est tout. Autour de votre voiture, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite queue de Diable ? Il n'y a pas de petite queue sur ma voiture. Il n'y a pas de petite queue sur votre voiture. Est-ce qu'on se permettra de dire quelle... Non, on ne va pas le dire. 3063 par SMS, quels sont les accessoires que vous avez pour supporter les Diables ? Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Oui, attention, puisque la police fédérale signale un accident sur l'A602, long Saint-Chéné, au kilomètre 9.8. L'accident se situe dans le tunnel de Quincampoix. La bande de gauche est neutralisée. Vous perdez 35 minutes sur 6 km en direction de Chéné. Et puis un automobiliste nous signale également la présence d'un piéton sur le 313 Anvers-Liège à hauteur de Boire. Il se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence en direction de Liège. Et puis on vous rappelle ces travaux de longue durée sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de Recours et ce dans les deux sens, travaux qui vont durer jusqu'au 8 juillet. La sortie est l'accès numéro 33, Recours vers Aix est fermé, il y a une déviation via Votem et alors par contre tout est rouvert vers Bruxelles. Soyez donc prudents et patients. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie, ce mardi 14 juin, à l'achat du journal L'Avenir, recevez gratuitement votre guide touristique de 108 pages sur les sites et manifestations de Wallonie avec livret détachable consacré aux balades à vélo. Votre été en Wallonie, votre guide touristique gratuit ce mardi 14 juin avec le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. Déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction, et c'est fini. Pas encore d'accès ? Surfez vite sur TaxonWeb.be. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi. Le dimanche 19 juin, dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Waouh, ces lignes séduisantes. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage U vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage U, à Chéné, au pied de la Côte d'Ambourg, et à Herstal, au rond-point Coromeuse. 2 ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Skoda U, le service en plus. Vivacité à viser. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Prêt pour l'aventure ? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Les Nuits Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, La 2, Proximus et Peugeot. 5 à 7. Cyril. Bon, 5 à 7 qu'on peut renommer aujourd'hui, 5 à 6, parce que vous le savez, ce soir c'est l'événement, il y a la Belgique qui va jouer son premier match à l'Euro face à l'Italie, et donc émission spéciale Bleu Blanc Diable, en direct de France, directement avec toute l'équipe de Complètement Foot, ce sera juste après le journal de 18h, soyez là. À propos de ce match de ce soir, je vous pose cette question au 3063, quels sont les accessoires de supporters que vous avez autour de vous? Est-ce que vous êtes du style à avoir les petites cornes autour de la voiture? Est-ce que vous êtes du style à avoir le drapeau à la fenêtre? Vous avez la perruque peut-être aux couleurs de la Belgique. Quel est l'accessoire que vous avez préparé pour ce soir? Vous me dites ça par SMS au 3063. Ici à la radio, l'accessoire qu'on a, c'est Kiki, la chanson de Kiki. Tiens, si on se refaisait un petit coup du refrain de Kiki, parce que ce soir, forcément, on va gagner pourquoi? La réponse en chanson tout de suite. On va la voir là, ou pas? Ça dépend de la technique. La technique a pas envie qu'on réécoute. Mais à force de parler sur le couplet, à un moment, on va revenir au refrain et on pourra. Voilà. Ce soir, je veux que tout le monde chante à la maison devant le match ou en écoutant la radio. On parlera donc de cet Euro tout à l'heure avec Ophélie Fontana qui est à Lyon. Elle est au cœur des supporters. Il y a déjà de l'ambiance à Lyon à quelques heures de ce match. On la retrouvera en direct pour le Journal des Diables dans quelques minutes. Restez bien là. Il y aura du cadeau à gagner aussi. Je vous envoie au Québec. Ça, c'est pas mal. Votre séjour, aller-retour, voiture de location sur place. Vous êtes en bed and breakfast sur place. Ça c'est sympa. Et c'est à gagner dans quelques minutes. On s'intéressera à The Voice aussi. Dites oui, c'est pas la période de The Voice. Non, c'est vrai, il n'y a pas The Voice à la télé en ce moment. Mais, depuis aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour la nouvelle saison de The Voice. Alors, il y a des petites nouveautés aussi. On en reparle tout à l'heure dans ce 5 à 7. Et pour démarrer ce 5 à 7 aujourd'hui, on va parler d'une artiste que vous connaissez forcément. On parle d'Adèle, et pour parler d'Adèle, bah c'est pas Adèle qui est là, mais c'est même mieux. J'accueille Bruno Tumers. Bonsoir Bruno. Salut, bah je sais pas si c'est mieux qu'Adèle, hein, mais en tout cas, je suis présent au rendez-vous. Bah déjà, vous parlez français, donc pour la radio, ça c'est plus être, facile. Ça va être beaucoup plus simple. Vous chantez juste un peu moins bien, mais c'est pas grave. Oui. Elle est en concert ce soir et encore demain, et elle était déjà en concert hier à Anvers, chez nous. Ouais, c'était l'événement hier au Sport Palace d'Anvers. 20 000 personnes hein, qui ont déjà applaudi Adèle. Adèle qui passe une partie de sa semaine en Belgique, et donc au total, il y a 60 000 personnes qui se rendront à Anvers pour aller applaudir la chanteuse. Vous pensez que ce soir, pendant le concert, il y a des gens qui seront sur leur téléphone pour suivre le match de foot en même temps? C'est un gros dilemme hein, quand en même. En tout cas, il y avait hier dans la salle du Sport Palace beaucoup de gens qui étaient sur leur téléphone pour filmer, prendre des photos d'Adèle et les partager sur Facebook, sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait évidemment les maris qui accompagnaient les femmes ou les copines. Donc, peut-être que les maris, ce soir, seront sur leur portable pour en plein pour milieu match, du concert, on entendra « Ouais !» Parce que ça chante beaucoup avec Adèle, mais ça chante beaucoup du côté féminin, si vous voulez. Oui, c'est ça. Bah, alors, justement, la salle, c'est mixte ou c'est très, très féminin pour aller voir Adèle? Non, la salle, franchement, c'est mixte avec un public qui est assez jeune, finalement. Hein. La grosse majorité, c'est des gens de 35 ans qui connaissent tous les albums par cœur, qui sont là pour applaudir la chanteuse. Et c'est vraiment un concert de chanteuse, hein, parce que c'est elle qui est mise en avant. Il y a un groupe d'une quinzaine de musiciens. Mais ce groupe de musiciens, en fait, il est sur la scène principale dans un espèce de triangle. Et devant ce triangle, il y a une scène en carré. Et c'est là qu'Adèle a chanté la majorité du concert. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'échanges avec les musiciens. C'est vraiment Adèle qui est là, qui est la star et qui incarne ce concert. Et par contre, il y a de l'échange avec le public. Elle aime bien parler aux gens qui sont face à elle. Ouais, énormément. C'est vrai que c'est un concert qui est maîtrisé de A à Z. Alors, je dis rarement ça, mais tout est parfait dans ce concert. Oula. Le son, la mise en scène, scène, les projections, les chansons, les musiciens, il est tout, amoureux. Tout était parfait. Mais vous savez, parfois, ce côté parfait, ça déshumanise un concert. Et là, en fait, le concert, il est réhumanisé grâce aux interactions d'Adèle avec le public. Elle fait monter quelqu'un sur scène pour que le mari de la fille puisse prendre une photo. Sympa. Alors, elle papote. Est-ce qu'il y en a dont c'est l'anniversaire? Donc, les gens commencent à lever les mains. Elle demande d'où est-ce que vous venez. Elle en recherche d'amis, quoi. Oui, est-ce qu'il y en a qui viennent d'Anvers? Est-ce que la majorité vient de Belgique? Est-ce qu'il y en a qui viennent de Londres? Et donc, tout le monde crie dans la salle, c'est assez drôle. Et il y a même un moment où elle se prête au jeu de tout, de toutes les photos. Donc, elle se penche pour que une partie du public puisse prendre des photos. Et quand elle fait ça, elle est en fait sur une scène centrale dans la scène, dans la salle. Et donc, il y a un moment, mais forcément, elle montre son postérieur à une partie de la salle. Et donc, elle plaisante. Elle dit, je suis vraiment désolée de vous montrer mon derrière de camionneuse. Enfin voilà, c'est très très drôle. Et alors, le moment le plus fort du concert, pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller, parce que le concert est sold out pour les deux dates qui viennent là à Anvers, donc faites-nous rêver, il y a quoi de dingue pendant ce concert? Le moment le plus fort, c'est au bout d'1h15 de concert, Adèle a réintégré la scène centrale où elle était apparue en début de concert, et elle chante ça, Set Fire to the Rain. J'ose pas imaginer l'ambiance dans la salle là-dessus, parce que les gens doivent se mettre à chanter avec elle, et ça monte quand même, ça doit être faux. Hein. C'est dingue, et alors évidemment c'est une chanson qui parle de rain, de pluie, et il y a donc un rideau de pluie qui commence à tomber du plafond, si très impressionnant. C'est la Belgique ça. Et, oui c'est la Belgique, surtout hier à Anvers, hein. C'était pas facile pour y accéder, hein. Je peux vous dire, les emboutes avec la pluie, c'était pas génial. Donc il y a vraiment ce rideau de pluie, et Adèle elle chante au milieu d'un carré de pluie, cette pluie elle est absorbée par la scène centrale, et à un moment Adèle disparaît de cette scène centrale. Voilà, toute cette mise en scène est extrêmement impressionnante. Ah ouais, je vous sens vraiment bluffé de ce concert. Oui, très bluffé, parce que c'est quand même très rare d'avoir un concert parfait comme ça. Donc allez voir quand elle reviendra donc en Belgique, on l'espère bientôt. Il n'y a pas encore de nouvelles dates prévues là? Non, attendez, après avoir fait 60 000 personnes, il y a peu d'artistes quand même qui font 3 soirs comme ça au Sport Palace d'Anvers, hein. Moi je lui rajoute un quatrième, parce qu'il y a encore plein de gens qui peuvent pas aller la voir à cause du foot. C'est vrai, c'est vrai. Merci Bruno, vous retournez voir des concerts sur notre compte quand vous voulez, oui. Pour venir nous les raconter. Mais j'en fais un article après, hein. Donc vous allez sur vivacité.be pour tous les détails si vous voulez. On fait ça. Merci Bruno, bonne soirée. Salut. 5 à 7. Alors je vous ai promis des cadeaux dans cette émission, écoutez bien, puisque le jeudi 23 juin, ça approche, hein, 23 juin, il y aura la fête nationale du Québec, et on va la fêter à Bruxelles. Dès 17h, ça va se passer au Mouderlambic Fontenas, et vous êtes invité à y aller bien sûr, mais vous êtes invité à aller au Québec directement. Je vous offre vos deux vols aller-retour, vous avez 6 nuits d'hébergement en bed and breakfast là-bas, la voiture de location, visite guidée, tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour au Québec, tout ça grâce à la délégation générale du Québec à Bruxelles, à Transat, à Go to Canada et au ministère du Tourisme au Québec. Là, vous allez gagner ce séjour, ce sera vendredi dans l'émission. Mais avant ça, il faut vous inscrire maintenant pour pouvoir repartir avec tout d'abord votre présélection pour le tirage au sort de vendredi, mais aussi un bon petit panier garni avec plein de produits québécois. Il y en a des bonnes choses là-bas, forcément beaucoup de spécialités au sirop d'érable. Vous aurez peut-être un petit peu de sauce poutine, de quoi faire la spécialité quand même du Québec, hein, avec cette fameuse préparation, frites, un petit peu de fromage fondu et puis cette sauce dont les Québécois gardent le secret mais qui est très bonne. Si vous voulez repartir avec tout ça, je vais vous passer une expression québécoise et vous allez devoir au 6003 m'envoyer la traduction française de cette expression. Vous êtes prêts? Donc attention, on a sorti les gros moyens, nous avons un Québécois avec nous pour nous lire cette expression. Être un pissou, c'est être peureux. Lâche. Avoir peur de tout. Et merci. Comme un petit enfant qui Thomas, fait sur lui. Qui vient de vous diffuser la réponse. Donc, plutôt que la question, il faut me dire ce qu'est être un pissou. Alors, si vous avez bien écouté, vous pouvez jouer très facilement. Et sinon, vous me dites par SMS au 6003 ce qu'est un pissou. Peut-être que vous avez été distrait, dans ce cas-là, vous allez vous en vouloir. Donc, être un pissou, c'est quoi en français, si vous avez une idée? 6003, c'est le numéro de SMS, vous m'envoyez ça, c'est 75 centimes le message, et peut-être que je vous appelle tout à l'heure pour le panier garni, et votre inscription au tirage au sort de vendredi. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout, en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et la Meuse. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. C'est plus que jamais le moment de soutenir nos Diables Rouges. Belgique-Italie, Belgique-République d'Irlande, Suède-Belgique. Trois rendez-vous incontournables à suivre en direct sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables, avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas, Avicii, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. Deux morts et un blessé par balle dans un camping à Brully-de-Pêche dans la commune de Couvain. Le drame s'est produit vers 16h dans des circonstances que la police tente encore actuellement d'établir. D'après les premiers témoignages récoltés sur place, l'auteur des coups de feu pourrait se trouver parmi les victimes. Jusqu'à 500 emplois sur la sellette dans les magasins Macro et Métro. La direction l'a annoncé au personnel ce matin, le groupe souffre de la concurrence. Au lendemain de la tuerie d'Orlando aux États-Unis qui a fait 49 morts plus le tueur, les hommages se multiplient aux quatre coins de la planète. Symboliquement, ce soir, l'hôtel de ville de Bruxelles sera aux couleurs de l'arc-en-ciel de 19h à minuit. Une horde de supporters belges met l'ambiance depuis ce matin dans les rues de Lyon. C'est là que se joue ce soir Belgique-Italie. Premier match pour les Diables Rouges dans l'Euro 2016. Match programmé à 21h, faut-il le rappeler. Et on ira d'ailleurs à Lyon dans un instant avec Ophélie Fontana. Vous savez qu'elle est déjà sur place, elle est avec les supporters. Elle m'a envoyé un SMS en disant « Tentez de m'appeler parce que je fais la fête déjà oh. ». Vous imaginez l'état dans lequel elle sera dans un instant. Connexion avec Lyon juste avant. On fait un point sur la météo, Dominique. Avec des averses qui vont s'espacer la nuit prochaine, minima 11 à 13 degrés. Demain, ciel assez dégagé avec quand même... toujours ce risque de quelques ondées. Et par contre, de mercredi à vendredi, on nous parle d'averses en bonne et due forme. De vraies averses, comme on a connu ce week-end, parfois ponctuées d'un coup de tonnerre, maxima 14 à 20 degrés. Il est l'heure de partir sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info avec Laurent Deboeuf. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril et bonsoir tout le monde. Et avec un accident sur la 602 Lons-Saint-Chenet qui s'est produit aux alentours de, il y a à peu près une heure. C'est la bande de gauche qui est entravée dans le tunnel de Quincampoix et vous perdez actuellement 1h20 dans les 8 km de fil recensés en direction de Chenet. Patience évidemment si vous vous trouvez dans ces files. Accident également sur le R5 de Mons à hauteur de Ciply. Un passage compliqué, nous dit-on, en direction d'Esquilide et donc en direction de la France. Pour le reste, si vous rejoignez Bruxelles via le 40 venant d'Ostende, on a toujours pas mal de difficultés en approche de l'échangeur de Grand Bigard. 25 minutes de perdu, ça diminue tout de même dans les files qui mènent à la bretelle donc de reliant le 40 venant d'Ostende au ring de Bruxelles en direction de Zaventem. Ring de Bruxelles où les temps de parcours sont assez conséquents, notamment suite au chantier d'Anderlecht, mais également suite à un autre chantier pour un aqueduc situé c'est en aval de Groenendaal, donc du côté des temps de parcours. Ce qui donne par exemple en extérieur 44 minutes entre Grand Bigard et Ytres, 40 minutes entre Zaventem et Grand Bigard, en intérieur 32 minutes entre Grand Bigard et Zaventem et 22 minutes entre Zaventem et le carrefour Léonard. Quelques fils aussi dans le centre du tunnel Trône au Léopold II en direction de Kuckelberg, c'est une info de notre motard Europe Assistance. Une chaussée dégagée ceci dit sur la Nationale 4 Bruxelles-Luxembourg où un accident s'était produit à hauteur de Sarre-Bernard. On a également un véhicule en panne à vous signaler sur le R3 de Charleroi. C'est sur le viaduc de Couillet, bande de droite entravée en direction d'Épigny. Et puis sachez aussi qu'on contrôle votre vitesse sur le 411 Luxembourg-Bruxelles entre Égozé et Oualle. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Bon, ce soir, il y a le gros événement, il y a ce match Belgique-Italie. Je suppose qu'en tant que supporter, vous avez tout préparé, tout ce qu'il faut. Vous avez les copains qui viennent à la maison, vous sortez sur des événements pour regarder ça sur écran géant. D'ailleurs, vous les retrouvez, hein, tous les endroits où vous pouvez suivre en extérieur ce match. Et en tout cas, tous les matchs de l'Euro, tous les événements qui sont autour de cet Euro, vous les retrouvez sur le site vivreici.be. Et à 17h34, je vous rappelle qu'il y a cette question cet après-midi. Quels sont les accessoires que vous avez pour supporter ces Diables Rouges? Alors, on nous parle des ballons de Tonton Achille en forme de chapeau. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça a l'air bien sympathique à porter. Il y a évidemment la Diabolica, fameuse Diabolica, bah oui, qui avait fait son arrivée lors du dernier mondial et qui est toujours là pour 7 euros 2016. Si vous avez des objets à la maison, je ne sais pas, sur votre voiture, il y a les couvertures pour les rétroviseurs. Vous avez peut-être, il y a la fameuse queue pour le diable. Bah, dites-moi ce que vous avez, ce que vous aimez comme objet de supporter au 3063 par SMS. Et on va en retrouver une de supportrice, Ophélie Fontana, qui est en direct de Lyon. Ce sera dans un instant dans le 5 à 7. Et puis beaucoup plus loin que Lyon, il y a le Québec et cette fête nationale du Québec qui arrive. Ce sera au mois de juin, c'est le 23 juin que ça va se passer. Ce sera fêté aussi à Bruxelles, au Moederlambic Fontenas. Et à cette occasion, bah, je vous offre votre séjour au Québec. Aujourd'hui, vous repartez avec un panier avec plein de choses, plein de bons produits québécois. Et puis vendredi, on saura si c'est vous qui est reparti avec le séjour, donc pour deux personnes au Québec. Pour jouer, c'est simple, je vous passe une expression québécoise, à vous de me dire ce qu'elle veut dire en français, parce que vous savez qu'on n'a pas toujours les mêmes expressions, les mêmes mots avec les Québécois. Écoutez. Être un pissou. Qu'est-ce qu'être un pissou? Si vous avez une idée, bah vous m'envoyez ça par SMS au 6003. Vous me traduisez « être un pissou » en français. Si vous avez la bonne réponse, peut-être qu'on se parle avant 18h et que vous êtes qualifié pour gagner le grand voyage direction le Québec. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Dis-moi, Chuck, hein? Vous, les Angry Birds, vous avez le droit d'être content? Non! Alors comment on va faire? Faire quoi? Ben, quand je vous dirai qu'en ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options de la Citroën C3 à 5 portes avec son immense pare-brise Zénith. Oh! Ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Vivacité et la 2 présentent les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Batico vous propose des maisons neuves, tout frais compris. Batico, plus qu'un nom. Une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be. Avec la DH et Moustique. Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil, ce jeans magnifique bien sûr. Et les escarpins. Que feriez-vous avec 6000 euros? Eurecar by Van der Heijden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri-Chapelle, Verviers et Eupen. Showroom online sur eurecar.be. À 17h36, 17h38, je vais vous parler un petit peu du 8-9 parce que ce soir il y a le grand événement, forcément le match, mais demain événement aussi dans le 8-9 puisque Benjamin Maréchal recevra Guy Lemaire et François Mazur. Ils seront là pour la pièce, vous savez, la pièce dont on parle énormément, la malade imaginaire, c'est au profit de Via for Life et c'est dans quelques jours. Alors il va falloir réserver vos places et vous aurez toutes les infos demain pour tout savoir sur cette pièce avec Benjamin Maréchal. Rendez-vous dans le 8-9 demain matin et d'ici là sur le site internet théâtrelepublic.be pour déjà réserver vos places. La vente est au profit de Viva for Life. 5 à 7. Cyril. On part à Lyon tout de suite pour le journal des Diables et c'est avec Ophélie Fontana qui est au cœur de l'événement donc en France. Bonsoir Ophélie. Ophélie, est-ce que vous êtes là? Alors, Ophélie est bien entourée visiblement. On va peut-être essayer juste de récupérer Ophélie hors antenne parce que j'ai l'impression qu'il y a un supporter qui a pris son téléphone et qui est en train de nous raconter à quel point il aime la bière, la bière qui les accompagne jusqu'en France donc. Ce soir, je vous rappelle l'émission spéciale des 18h d'ailleurs, Bleu Blanc Diable en direct de Saint-Étienne avec toute l'équipe de Complètement Foot qui sera là et le match depuis Lyon retransmis aussi en direct avec toute l'équipe du sport qui est là pour vous faire vivre cet événement énorme bien sûr. On parlera de The Voice dans un instant. Rien à voir avec le foot, mais compétition aussi, compétition de chant, et elle est ouverte cette compétition. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire au grand casting de The Voice pour la nouvelle saison. On y reviendra dans quelques petites secondes sur Vivacité avec la productrice de The Voice qui sera avec nous. On retente une connexion avec Lyon, avec Ophélie Fontana. Ophélie, est-ce que vous êtes là? Alors c'est très compliqué, on a perdu Ophélie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va mettre un petit peu de pub et puis on revient dans un instant, on tente de rappeler Ophélie qui est au milieu des supporters, il y a beaucoup d'ambiance visiblement à Lyon. Et juste avant la pause, un petit plaisir personnel, je sais que vous l'aimez bien, Kiki. Si on se refaisait un petit coup de Kiki, tiens. On va gagner pour toi, parce qu'on est fait pour ça. On va gagner pour qui, pour ramener la compopée. Une pause et on revient dans un instant. Tu sais toi comment on appelle les habitants de Blégny? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blégny, journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blégny. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blégny. Les Blégny, toi! Matexi, bienvenue chez vous. Bonjour, c'est Jordan Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condro à Boncel, Annecy FM, sur la route du 8 ou JC, chaussée de ton gras au cours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Hey Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze, ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 €. Et c'est pour tout le monde. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 €, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 € d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vivacité. 5 à 7 sur Vivacité. Je vous rappelle qu'il y a un magnifique cadeau à gagner ce soir. Vous allez partir avec votre séjour direction le Québec. Ça, c'est plutôt sympa, le Québec. Vous allez prendre l'avion, on vous offre l'avion. L'aller-retour, évidemment, parce que l'aller, ce serait embêtant. Vous abandonneriez tout pour aller là-bas. On vous offre forcément l'aller-retour. Vous repartez aussi avec la semaine sur place, l'hébergement en bed and breakfast. Vous avez la voiture aussi, parce que c'est vrai qu'au Québec et au Canada, globalement, tout est un petit peu loin. Donc, avec la voiture, c'est forcément bien sympathique pour pouvoir profiter de votre séjour. jours. On vous offre ça. Et en plus, sur place, vous aurez des visites guidées. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Tout ça à l'occasion de la fête nationale du Québec. Alors, je vous demande de me traduire une expression québécoise. Je vais vous donner un petit indice. Réécoutez. Ou pas. Est-ce que être un pissou. Être un pissou. Merci monsieur du Québec. Être un pissou, c'est l'expression que vous devez traduire en français. Et je vais vous donner un indice, c'est que par rapport à pissou, l'origine de l'expression vient de là. Dans pissou, il y a forcément, vous l'avez entendu, le faire pipi. Et ben il y a une origine de cette expression qui vient de là. Si vous avez une idée, vous envoyez simplement votre message maintenant avec la réponse au 60-03 pour 75 centimes. Le message, je vous souhaite bonne chance. Peut-être qu'avant 18h, je vous appelle pour vous offrir un bien beau cadeau aux couleurs du Québec. Et puis, vendredi, tirage au sort pour savoir si c'est vous qui repartez avec le voyage. Lyon, ce soir, c'est la ville qui est au cœur de l'actualité puisqu'il y a le match des Diables Rouges, la Belgique face à l'Italie et Ophélie Fontana est sur place. Pour la troisième fois, on va essayer de se parler. Ophélie, vous êtes là ? Oui, mais en tout cas, je vous entends. Enfin ! J'ai eu peur qu'un supporter ait volé votre téléphone tout à l'heure. On n'en est pas loin, on n'est pas loin de là. Alors, c'est encore complètement survolté. Vous êtes où ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Je suis dans le bus qui me mène au stade où il y a beaucoup de supporters belges, quelques supporters italiens. Donc c'est vraiment une ambiance survoltée. Là, il y a une accalmie pendant quelques secondes. Donc ça tombe bien, vu que je suis en train de vous parler, mais il y a des moments, c'est complètement assourdissant. Je ne pourrais même pas entendre vos questions, mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup plus de Belges, ils font beaucoup plus de bruit que les Italiens, et ça, c'est la bonne nouvelle. J'ose à peine imaginer ce que ça va donner dans le stade dans quelques heures. Alors, on a beaucoup parlé de l'ambiance dans différents supporters. Il y a eu l'Angleterre, il a réussi, ça s'est pas super bien passé. Ici, Belgique, Italie, on a vu des belles images, mais vous confirmez, à quelques heures, à 3 heures maintenant du match, ça se passe toujours bien. Ah oui, c'est vraiment très amical, c'est bon enfant. On voit souvent des supporters italiens qui affichent même les couleurs belges aussi, qui mettent le petit drapeau, les deux drapeaux sur leur visage et vice versa. Donc c'est vraiment très festif, sans commune mesure avec ce qui s'est passé, comme vous le dites, à Marseille il y a quelques temps. Donc c'est vraiment bon enfant, mais il faut le dire. On entend souvent les supporters belges dire « on est chez nous à Lyon » et c'est vraiment le cas. Les rues de la vieille ville de Lyon étaient vraiment noires, jaunes, rouges depuis ce matin. C'est vraiment hallucinant, aux terrasses, il n'y avait que du noir, jaune, rouge partout dans la ville. Donc vraiment, au niveau des supporters, on est clairement en supériorité numérique, en supériorité sonore aussi. Donc j'espère vraiment que ça va se reproduire de la même sorte dans le stade et surtout sur le terrain, ce sera l'essentiel. Eh oui, c'est ce qui compte, c'est sur le terrain. Parce que les supporters, c'est bien, mais si les joueurs ne sont pas en forme, ça ne sert à rien. Vous avez des nouvelles d'ailleurs des joueurs ? Comment ils vont ? Les joueurs, je pense qu'ils sont surexcités. J'ai moins de nouvelles. Là, quand j'arriverai au stade, peut-être quand on verra l'échauffement, on pourra voir. Mais je sais, par les contacts que j'ai avec les joueurs sportifs, que les joueurs sont surexcités, autant que le sont d'ailleurs les supporters. C'est normal, ils ont enfin envie d'entrer dans la compétition. Le premier match a eu lieu vendredi. Donc, je pense qu'ils ont des fourmis dans les jambes, des fourmis dans les pieds, comme les supporters. En tout cas, je pense qu'ils ne pourront pas se retrancher derrière cette excuse qu'il n'y aura pas d'ambiance dans le stade. À mon avis, là, laissez-moi vous croire que ça va vraiment chauffer. Et les Diables seront aussi dans les tribunes et ils vont vraiment essayer de soulever leurs joueurs et de les porter le plus loin possible. Ils sont super motivés et ils seraient, je pense, vraiment très déçus s'il y avait une défaite ou un match nul ce soir, ça c'est clair. Est-ce que vous avez un pronostic pour le match ? Vous qui vivez l'ambiance sur place aujourd'hui, vous voyez qui gagner ? J'ai envie de dire 2-1. 2-1 ? Oui, je pense qu'on va d'abord marquer, l'Italie nous rattrapera, puis ça va rester pendant pas mal de minutes, à mon avis, match nul. Et voilà, je mise sur un dernier goal dans les dernières minutes pour vraiment que la victoire soit encore plus belle. Parce que c'est dans les dernières minutes que c'est serré. Imaginez l'explosion de joie. Ça risque d'être une belle fête dans les rues de Lyon, comme ça l'est déjà d'ailleurs depuis hier. C'est la fête jusqu'à pas d'heure pour les rues de Lyon, c'est assez hallucinant. Les supporters autour de vous sont en forme, visiblement en tout cas. Et voilà, vous commencez à les entendre, ça devient de plus en plus difficile pour moi de vous parler parce que les supporters s'agit, je pense, qu'on approche vraiment du stade cette fois. Donc, et tout ça ne se fait que à l'eau, bien sûr, Ophélie. Mais bien sûr, évidemment. Bien sûr, moi-même, je ne bois que de l'eau. Évidemment. Question stupide. C'est légèrement alcoolisé, mais ça reste raisonnable. Depuis hier, je me balade dans les rues de Lyon, à plus de catastrophes, à plus de gens quand même dans un état lamentable. Je pense que les supporters belges sait se tenir. D'accord. Eh ben, faites attention parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y a eu un incident dramatique d'ailleurs du côté de Nice. On fait la fête, mais on ne fait pas n'importe quoi. Ophélie, bon match, amusez-vous bien. Et à bientôt. Aussi, j'espère qu'on va regarder à la télé. Hein. Bah, bien sûr, soirée avec les copains d'ailleurs. Vous envoyez des bonnes ondes de Belgique, c'est indispensable. Eh ben, on fera ça. Merci Ophélie, bonne soirée, amusez-vous bien. Merci. Et ce match, forcément, vous le suivrez tout à l'heure en direct sur ViaCité. Émission spéciale à partir de 18h, émission bleu, blanc, diable avec toute l'équipe de Complètement Foot. Alors, pas en direct de Lyon, mais en direct de Saint-Etienne, mais avec toute l'équipe des sports qui est aussi sur place. Donc, on couvre toute la France pour vraiment vous faire suivre cet Euro 2016 en direct sur ViaCité. Soirée bleu, blanc, diable qui démarre dans 12 minutes maintenant. Quels sont les accessoires d'ailleurs de supporters que vous avez chez vous, à la maison, sur votre voiture pour supporter notre équipe belge, nos diables rouges, c'est la question que je vous pose, et au 3063. Et quelqu'un qui me dit, j'ai mis mon drapeau au balcon pour les diables ce soir, mais aussi pour les festivités ce week-end à Fex, le haut clocher. Ce qui me touche le plus lors d'un match, c'est l'hymne national, soyons fiers de notre pays. Beau message de Paulette. Merci Paulette. Autre événement aujourd'hui dans l'actualité, bah c'est The Voice, on en parle de The Voice tout de suite. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas The Voice à la télé ce soir. C'est vrai, il n'y a pas The Voice à la télé ce soir, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le nouveau casting, le casting de cette nouvelle saison. On va en parler avec Leslie Kebel, vous êtes la productrice de The Voice. Bonsoir Leslie. Oui, bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7 sur ViaCité, Leslie. Alors, ça y est, c'est reparti. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il y a une nouvelle saison et en plus, le casting est ouvert. Oui, ça y est. Donc c'est signé, on fera The Voice 6, ça c'est fait. Et en effet, les auditions, ben on les démarre toujours maintenant, puisque on espère avoir beaucoup de talents, de futurs talents qui vont auditionner. Et puis, le temps de passer les castings, de commencer à organiser les émissions, et ça y est, on sera à l'antenne. Alors, il y a des nouveautés cette année à propos des castings. Oui, on a changé un petit peu les choses, donc ce sera facilité. Vous pouvez envoyer un fichier de votre smartphone, de votre tablette, et le poster sur le... sur l'onglet, via l'onglet sur le site audition en ligne. Oui, exactement. Alors qu'avant, il fallait aller sur le site et puis avec la caméra, se filmer en direct directement. Il y a moyen de le faire en direct, mais il y a moyen de renvoyer le fichier. D'accord, donc ça c'est beaucoup plus facile et compatible avec toutes les plateformes. Et alors, l'autre nouveauté, c'est qu'il y a des gens qui sont parfois un petit peu timides, qui disent « Ouais, The Voice, c'est pas pour moi, j'ai pas le talent pour... » On peut balancer ses copains maintenant. Oui, tout à fait. En fait, on a eu l'expérience l'année dernière avec une très très bonne quand Boris avait inscrit sa maman Brigitte, et ça c'était un grand moment. Et on s'est dit pourquoi se priver de bons talents que les gens connaissent. Et donc maintenant on peut inscrire son copain, sa sœur, son frère. On peut les inscrire, envoyer et connecter et envoyer un lien vers un fichier où on pourrait les retrouver, ou alors nous, on reprend contact avec ces personnes-là par après. Alors pour vous inscrire, rtbf.be/thevoice, ça y est, faites tourner l'info, le casting est ouvert. Et Leslie, est-ce que si on vous connaît, est-ce que si on vous contacte directement, est-ce qu'on peut essayer de participer, de bypasser les choses, ou bien c'est impossible, c'est le casting.bar. Ah, c'est le casting.bar, mais on est tous très très gentils. Hein. C'est vrai? Oui. Il n'y a pas un méchant dans l'équipe qui fait peur aux candidats? Non. Y a pas non. Ça. Et en plus, on ne prend jamais de risques. Donc même quand quelqu'un, on se dit, oh, on a un doute, il chante quand même un petit peu faux, on ne prend jamais le si on est en doute, on auditionne. D'accord. Bah donc, voilà, allez-y sans crainte, rtbf.be/thevoice pour vous inscrire et participer à cette sixième saison déjà de The Voice. Merci beaucoup Leslie d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire. Vous voulez que moi je chante vraiment? Ben oui, pourquoi pas. Vous comptez faire de l'audience ou pas cette année? Bah c'est pour vous, hein, mais vous savez quoi Leslie, je vais m'inscrire, oui. Je vais essayer et puis on verra si je suis retenu. Je suis pas sûr d'aller bien loin dans l'aventure. Vous serez peut-être surpris parce que ce qu'il y a évidemment comme chaque année, ça marche très très bien, c'est le talent du web, ouais. C'est-à-dire tout le monde peut voter une fois par jour pour tous les fichiers qui sont postés et choisis, et au bout du compte, celui qui aura eu le plus de votes, eh bien il peut venir d'office au blind. D'accord. Bah, je vous souhaite donc, pas que ce soit moi. On peut tomber vraiment sur quelqu'un qui chante vraiment très mal. Ouais. Oui, peut-être. Eh ben, hâte de voir tout ça. Merci Leslie. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne au revoir. Soirée. Et je vous rappelle le site à partager autour de vous, de vos amis, votre famille qui veut pousser la chansonnette, qui veut aller participer à The Voice. rtbf.be/thevoice. Dans un instant, on saura qui gagne le premier cadeau aux couleurs du Québec. C'est toute cette semaine dans le 5 à 7. Mais juste avant, voici le cactus de Jérôme de Warzé. Merci Jérôme. Cactus, et vous revenez sur les nombreux incidents causés par les hooligans à l'Euro. Oui, bonjour à toutes et tous. Remandech, animalen, allemal, hooligan. Vous l'avez dit, Benjamin, des hordes avinées déferlant d'Europe occidentale se castagnent aux quatre coins de la France. Inutile de revenir sur les répugnants incidents ayant émaillé Angleterre-Russie. À la moyenne, les Anglais ont gagné, hein, 4,6 grammes contre 3,8 grammes pour les Russes. Ouais. D'après les Marseillais, qui n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'exagération, on aurait dénombré plus de blessés ce week-end à Marseille que sur le champ de bataille de Waterloo. Bon. Angleterre-Russie, duel arbitré par la Maison des Jeunes Phocéennes, où 2000 supporters de l'OM ont caillassé tout le monde sans discernement, au hasard. Vous voyez, on aurait dit la police belge à une manifestation à la Bourse. Vous voyez, c'est n'importe où. La police de Marseille, elle, est intervenue sans ménagement, avec une brutalité qui ne les honore guère. Vous avez vu les images des CRS locaux, quelle sauvagerie. Les consignes avaient l'air d'être claires. Hein. Tranquille, tranquille, laisse-les, Marcel, laisse, il se tape dessus. Hein. C'est bon enfant, regarde. Non, il saigne pas, le gosse, c'est du ketchup qui coule de son Big Mac, non, c'est pas du singe. Oh, et le pastis, ça vient, là. Rappelons que lors de la dernière grève des enseignants dans le Sud, les policiers avaient chargé en envoyant la moitié des profs à l'hôpital de la Canebière. Bon, l'accent, je... Bon. Oui, et, bah, oui, enfin, c'est lundi. Hein, c'est du lundi. Nord. Ça peut se travailler aussi. Oui, les échauffourées se multiplient aux six coins de l'hexagone, puisqu'un hexagone, on dit aux quatre coins de l'hexagone. Bah oui. Non, aux quatre coins, c'est le carré, mais le carré, c'était déjà pris. Les Turcs veulent taper sur les Croates, qui veulent taper sur les Serbes, qui veulent taper sur les Grecs, qui veulent taper sur les Turcs, quand on pense qu'il y a encore à jouer Allemagne-Pologne, Angleterre-Pays de Galles, et alors le sommet du Warrior Games, Autriche-Hongrie, alors là, prélude à la Troisième Guerre mondiale, ah oui, ça rappelle, c'est Wallonie-Flandre, hein, ça c'est. Personne ne reculera, chaque mètre vaudra bien 100 hommes de perdus. Cet euro, je l'aurais appelé Stratégaule, vous voyez. Joli. Ça c'est du génie. Ça. Joli. Et ça me vient comme ça, hein, simplement, je me mets rarement en avant, mais... Enfin, moi, je ne dois jamais compter sur vous, de toute façon. Donc, entre les rots de Sarah de Padua, les bon, c'est nul de Benjamin. Oh, permettez une légère autocongratulation à lundi. Même certaines nations, peu enclines à la barbarie de masse, se fondent dans le moule de la pâté unique. Les Suisses, les fameux hooligans suisses, se sont lâchés comme jamais. On en a vu traverser en dehors des clous. D'autres jetaient à terre le remballage de chocolat des bêtes sauvages. Mazette. Quant aux hooligans néerlandais, ah, c'est de l'humour. Ces bouffeurs de caravane n'ont même pas été capables de se qualifier pour cette compétition de fanfare en s'extrayant des qualifs, alors que les 12 premiers de chaque groupe de 8 étaient qualifiés. Bien fait, bien fait. Restons sportifs, monsieur Maréchal. Vous avez bien raison. Vous exacerbez encore les populations déjà suppliciées par la faim qui ronge, le tax shift qui engrange. Et je ne vous parle même pas des hooligans français, dont le chef de meute est heureusement resté chez lui, à Madrid. Tous ceux devant s'intégrer. Oui. Il n'y a que les férus de foot qui peuvent comprendre. Bon, moi, je ne suis pas là. Quand même. Il est très triste, il est quand même. Triste quand même. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire déborder la semoule du couscous, vous me connaissez, mais j'ai quand même un doute notable sur ces images de joie entre supporters belges et italiens, dont la presse fait ses... C'est suspect, non. Les Italiens adorent faire la fête, mais un peu avec tout le monde, hein, finalement. L'histoire regorge d'exemples frappants, incriminant les transalpins et leur copinage douteux. Bien sûr. Vous voyez le rôle de Sarah de Padua, vous voyez. Bien sûr, les supporters des deux camps ne sont pas armés pour se taper dessus. C'est vrai que se rentrer dedans avec des frites sauce banzai et des pâtes bolognaises, bon. Mais j'ai remarqué que certains supporters belges offraient de la tartorie aux Italiens. Ah, ça c'est mortel. Ça. Ouais. Alors attention, il y a très peu de hooligans belges en France. Ceux-ci étant encore bien trop occupés ce matin à bloquer le pont d'Herstal ou à tenter de réveiller la petite Jeanne. Il aura ses pneus crevés. Enfin, attendez. Le prochain point sur l'hooliganisme avec notre spécialiste, qui nous manque tous, hein, Claude Moniquet. À demain avec Kiki pour savourer. Pour... Bon, on va attendre 23 heures quand même. Oui. Restons prudents. Retour du Cactus demain dans le 8-9 sur Vivacité avec Benjamin Maréchal et Jérôme Dewarze, bien sûr, toute l'équipe qui sera là avec vous. Juste avant le journal de 18h et l'émission spéciale Bleu, Blanc, Diable, pour suivre ce match des Diables Rouges face à l'Italie, on va savoir qui repart avec la première place en finale pour gagner son séjour au Québec. C'est Anthony qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Anthony, vous êtes de Liège, la journée s'est bien passée ? Oui, très bien. Très on est prêt à supporter les Diables ce soir. Ah oui, hein, il faut. Ah, j'espère bien. On est tous derrière les Diables Rouges ce soir. Je vous passais une expression tout à l'heure, une expression québécoise. Être un pissou. C'est quoi cette expression? Ça veut dire quoi en français? Être peureux, je crois. Être peureux, on vérifie. Être un pissou, c'est être peureux, lâche, avoir peur de tout. Comme un petit enfant qui ferait sur lui. Et quand je donnais l'indice tout à l'heure, pissou, il y a l'indice de pipi dedans. C'est justement voilà, ce petit enfant qui fait sur lui, qui a peur. C'est de là que ça viendrait. Il y a plusieurs origines, mais en tout cas, être un pissou, c'est effectivement c'est la bonne réponse. Ça veut dire, écoutez bien Tony, que vous repartez avec un panier, avec plein de bons produits québécois. Ça d'office, vous l'avez, c'est pour vous et c'est offert par Maple Abroad. D'accord. Avec l'accent, Maple Abroad. D'accord. Ça c'est pour vous. Oui. Et alors, vendredi, vous repartirez peut-être avec votre séjour d'une semaine pour deux personnes direction le Québec. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Oh, j'espère. Eh ben, je vous le souhaite. Je vous souhaite une excellente soirée. Et avant de partir, un pronostic pour le match de ce soir? 1-0. 1-0 pour la Belgique. C'est déjà bien. Tant qu'on est dans de la victoire, ça nous fait plaisir. Merci Anthony. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite sur Vivacité. Voir Thibaut plonger sur un grand écran? Chez Vandenborg, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborg. Quel temps va-t-il faire, Dominique? 11 à 14 degrés la nuit prochaine et les averses vont s'espacer. Puis demain, quelques ondées, le maxima de 14 à 20 degrés. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Queen, Renaud, Puggy, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas, Avicii, Bruno Mars. 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Belgique-Italie, H-3, les supporters sont dans les starting blocks pour le premier match des Diables à l'Euro. Ce sera évidemment le titre du journal des sports. Un match tout particulier à vivre dans les communautés italiennes du pays où le vert-blanc-rouge côtoie les couleurs nationales aujourd'hui. Reportage à Carnion dans un instant. Plus de 500 emplois sur la sellette dans les magasins Macro et Métro. La direction a annoncé un plan de restructuration. Elle assure que les magasins existants seront conservés. Beaucoup de questions au lendemain de la fusillade qui a fait 49 morts à Orlando. Le tireur relié à Daesh a-t-il agi en loup solitaire? C'est la thèse privilégiée par un spécialiste du terrorisme, on l'entendra. Journal sur Vivacité avec Catherine Tonnerreau. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Les vareuses et les drapeaux sont de sortie ce soir. Plus que 3 heures à attendre avant le coup d'envoi de la rencontre. Belgique-Italie, c'est à 21h. Un match un peu particulier évidemment pour les Belges d'origine italienne. Exemple, à Carnion, dans la cité des Cascades. C'est un reportage signé Simon Gérard. Adelli, d'Italia, dell'Elmo, la. Oh Belgique, oh mère chérie. Encore peaufiner un petit peu les hymnes nationaux. Niveau décor, par contre, la cité des Cascades est plus que prête. D'énormes drapeaux italiens ont été installés au-dessus de la route. Aux maisons, on retrouve les couleurs des deux équipes. Elles se côtoient même parfois sur une même façade. Alors, qui supporter ce soir? Question simple, réponse compliquée. Ah, c'est une question difficile parce que je suis moitié-moitié d'origine italienne et ma maman est belge. Donc bon, moi je pense que je vais supporter la Belgique parce que la Belgique m'a tout donné. Vous ne serez pas triste si jamais l'Italie perd? Triste, disons qu'aujourd'hui ce n'est que le premier match. Donc même s'ils perdent aujourd'hui, on a encore deux matchs pour se refaire. Mais je pense pas qu'ils vont perdre. Ici, dans la cité des Cascades, impossible de ne pas avoir un membre de sa famille, un conjoint ou un ami qui supporte l'autre camp. Mais Marie nous rassure, il n'y aura pas de dispute. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on s'entend super bien avec tout le monde. Que ça soit la Belgique ou l'Italie qui gagne, de toute façon, ce soir, c'est quand même la fête. Et pour assurer la sécurité des supporters, une centaine de secouristes de la Croix-Rouge sont mobilisés autour des écrans géants installés un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Entre 5 et 10 secouristes prévus par dispositif à ce stade de la compétition. Un début de compétition un peu terni par les violences autour du match Angleterre-Russie de samedi dernier à Marseille. Deux supporters anglais ont été condamnés ce lundi à 2 et 3 mois de prison ferme. Ils sont aussi interdits de territoire français durant 2 ans. Chez nous, deux morts et un blessé par balle dans un camping de Couvin à Brully-de-Pech. Le drame s'est produit vers 16h cet après-midi, dans des circonstances que la police tente encore actuellement de déterminer. D'après les premiers témoignages récoltés sur place, l'auteur des coups de feu pourrait se trouver parmi les victimes. Le blessé, dans un état grave, a lui été transporté à l'hôpital de Chimay. Cette disparition inquiétante à Vielsalm, un homme sans abri d'une trentaine d'années a laissé des effets personnels et des traces menant au lac des Doyards où des recherches sont en cours. Les pompiers de Vielsalm et les plongeurs de la zone Luxembourg sont sur place, ainsi que la police de la zone Famenne-Ardenne. Jusqu'à 505 emplois menacés, c'est la douche froide pour ceux qui travaillent dans les magasins Macro et Métro. La direction belge du groupe a annoncé ce matin son intention de mettre en œuvre un nouveau plan commercial, un plan qui passe par un investissement de 61 millions d'euros et la suppression donc de 505 emplois sur quelques 3000 salariés en Belgique. Écoutez Julie Stordio, la porte-parole de Macro. Pour Macro, on veut se spécialiser et pour Métro, on veut avoir plus de focus sur l'Horeca. Ce qui en suit, c'est une intention de réorganisation avec une potentielle perte d'emploi pour 505 personnes. 61 millions d'euros d'investissement, mais en même temps, vous allez licencier. C'est pas bizarre, ça? C'est contradictoire, ça paraît contradictoire, mais il faut, pour lancer cette nouvelle stratégie commerciale, investir dans les magasins et faire en sorte qu'on ait un bel assortiment et donner des raisons aux clients pour venir chez Macro. Quels sont les sites qui vont être impactés sur le nombre de magasins que vous avez en Belgique? Alors on parle d'un maximum de 505 personnes concernées, que ce soit pour Macro, Métro ou le siège central. Il y en a qui vont fermer, purement et simplement? Nous n'allons pas fermer le magasin, nous allons construire dans nos magasins, investir dans nos magasins et offrir plus de confort à nos clients. Des propos recueillis par Fabrice Gérard et je précise qu'une première réunion entre direction et syndicats est prévue vendredi. Les hommages se multiplient aux quatre coins du monde. Hommage aux 49 victimes de la tuerie survenue dans une boîte gay d'Orlando en Floride. Et chez nous, l'hôtel de ville de Bruxelles va s'éclairer ce soir des couleurs de l'arc-en-ciel. Au lendemain de cette fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, beaucoup de questions. Le tireur Omar Mateen, un Américain d'origine afghane, a-t-il été téléguidé par l'État islamique ou a-t-il agi en loup solitaire qui se serait auto-radicalisé avant de passer à l'acte? Et c'est cette piste en tout cas que privilégie Thomas Renard, spécialiste du terrorisme. Beaucoup de loups solitaires, ou enfin de loups solitaires potentiels ou de sympathisants à l'État islamique ne passent jamais à l'action. Il faut quand même savoir qu'on parle de 20 000 sympathisants à l'État islamique. Il y a plus ou moins 20 000 comptes Twitter liés à l'État islamique en Europe, aux États-Unis. Mais voilà, toute une série de gens qui expriment des opinions favorables à l'État islamique, mais qui ne passeront jamais à l'action. Donc effectivement, c'est la difficulté pour les services de sécurité, c'est de mesurer le degré de dangerosité d'un individu. Et dans ce cas-ci, les services de sécurité ont estimé que l'individu ne présentait pas une menace imminente, puisqu'effectivement, ils l'ont interrogé au moins à deux reprises. Ils l'ont relâché, ils ne l'ont pas mis sous surveillance. Et on sait aujourd'hui que dans le cadre de la radicalisation liée à l'État islamique, on sait que ça se passe très très vite. Donc c'est une affaire de... En tout cas, potentiellement, c'est une affaire de quelques semaines. Et donc, il a suffi sans doute d'un relâchement de la vigilance pendant quelques semaines pour que cet individu passe à l'action. Le président américain Barack Obama précise ce soir qu'il n'y a à ce stade pas de preuve d'une attaque commanditée depuis l'étranger. À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, les tentatives de récupération politique n'ont en tout cas pas tardé. Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a accusé les musulmans de ne pas coopérer avec les autorités du pays pour dénoncer des suspects. Côté démocrate, Hillary Clinton a remis en cause la facilité d'achat d'armes à feu aux États-Unis. 18h et presque 7 minutes sur Viva. Bon début de soirée à notre écoute. Dans un instant, le journal des sports avec Lise Burion. Le temps de faire un point sur vos conditions de circulation. Le point RTBF Mobile Info avec David Godefroy et un accident sur la E40, David. Oui, effectivement, c'est entre Sterrebeek et Berthem. La bande de gauche est neutralisée. Conséquence des files depuis Kreinem dans lesquelles vous perdez une vingtaine de minutes. Donc des files sur 8 km en direction de Liège. Et puis sur le ring de la capitale, ça coince encore en circulation intérieure. Grand Bigard, Zaventem, comptez une quarantaine de minutes supplémentaires, 30 minutes à ajouter à votre trajet dans l'autre sens, en circulation extérieure de Zaventem à Grand Bigard. Grand Bigard au titre suite au chantier à hauteur d'Anderlecht, donc en circulation extérieure, comptez là aussi une vingtaine de minutes en plus, et sur les autres tronçons, maximum 10 minutes perdues. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Le journal des sports. Lise Burian. Bonsoir à tous. Dans moins de 3 heures, on y sera. Le premier match de la Belgique à l'Euro 2016. Ce Belgique-Italie tant attendu. Alors à 18h08, évidemment, vous êtes certainement tous en train de réfléchir à votre petit pronostic. Tout le monde y va de son pronostic, y compris les supporters présents à Lyon. 0-3. Non, 2-1. Qui va marquer ? Lukaku pour les deux. 2-1 pour la Belgique. De Bruyne et Fellaini à mon avis. 2-0. On va gagner. Moi je crois 1-1. Tout le monde est content comme ça. Et oui, Belgique-Italie, c'est un match qui divise hein, évidemment la grande communauté italienne de Belgique. Il y aura beaucoup d'ambiance, il y en a déjà beaucoup dans les rues de Lyon. Et on s'en doute qu'il y en aura aussi un peu partout en Belgique, en espérant surtout éviter la douche froide pour cette entrée en lice des Diables dans cet Euro. On va tout de suite se rendre à Lyon d'ailleurs pour retrouver Manuel Jousse, l'un de nos envoyés spéciaux qui vous fera vivre la rencontre en direct ce soir. Manu, bonsoir. Bonsoir Lise. Alors on a déjà tout dit ou presque, hein, on a l'impression maintenant, on a juste envie que ça commence enfin cet Euro. Et alors on ne va pas faire injure aux autres équipes ou aux autres matchs Manu, mais est-ce qu'on ne s'apprête pas à vivre le premier vrai choc de cette compétition? Parce que Belgique-Italie, on est quand même un peu entre favoris, non? Mais écoutez, c'est sans doute tout simplement la plus belle affiche hein, de ce premier tour. Il y a un autre groupe très relevé en dehors d'une autre, c'est le groupe D, avec notamment un Espagne-Croatie que l'on peut pointer. Mais c'est vrai que ce Belgique-Italie est très attendu par tous les observateurs, même étrangers, pas seulement les Belges et les Italiens, parce que tout simplement la Belgique est considérée déjà comme l'une des équipes à suivre dans cet Euro, comme l'un des outsiders potentiels, voire favoris pour certains. Et puis en face, il y a cette formation italienne qui pour l'instant laisse un certain scepticisme autour d'elle parce que de nombreux observateurs, même italiens, parlent de la plus mauvaise équipe italienne de tous les temps. Ça reste encore à confirmer, mais enfin l'Italie est tout de même finaliste de la dernière édition qu'elle avait perdu 4-0 contre l'Espagne. Ça reste un gros morceau et donc cette opposition est très attendue par tout le monde et on peut effectivement parler du premier grand choc de cet Euro. Bah justement, concernant le niveau italien, on va donner un peu la parole à un diable qui connaît bien le jeu transalpin, c'est Radja Nainggolan, 12 ans déjà qu'il joue là-bas en Italie, c'est sa deuxième maison. Alors, on l'écoute, que pense-t-il de nos adversaires? Tactiquement, ils sont forts, mais moi je pense qu'on a plus de qualité. Toute l'équipe, on a beaucoup de confiance pour l'Euro. Même s'ils sont déforcés quand même, les Italiens. Hein ouais, il manque beaucoup de joueurs, mais bon. Les Italiens, quand même, tactiquement, ils ont toujours fort, donc ça va être un match difficile pour nous. Mais bon, il faut les jouer et on va essayer de les battre. Interview Manu de votre comparse Thierry Luters qui sera aussi aux commentaires ce soir pour ce match. Mais alors la tactique, est-ce que c'est la clé du match, ce duel entre les deux entraîneurs qui s'affrontent aux échecs Manu? Oui, et c'est bien possible et on a peut-être même envie de dire que l'élément le plus dangereux en Italie s'appelle Antonio Conte, le sélectionneur de cette formation qui quittera d'ailleurs l'Italie au terme de l'Euro pour aller à Chelsea, qui est un travailleur et il répète les systèmes, les phases, les séances vidéo. Il s'aligne d'habitude en 3-5-2 mais parfois dans le même match il peut varier son système, passer dans un 3-4-3, s'adapter vraiment aux circonstances et donc l'Italie évoluera de façon compacte avec une bonne organisation, même si elle ne dispose plus de grandes stars dans l'entrejeu notamment. La plus grande star italienne, elle est au but, c'est Buffon. Et face à ce système-là auquel il faudra répondre, eh bien, les Diables Rouges vont vraisemblablement proposer un 4-3-3 avec un entrejeu un petit peu plus musclé puisque la tendance de ces derniers jours est d'aller aligner Fellaini aux côtés de Nainggolan et de Witsel pour finalement recomposer ce triangle qui avait fait impression il y a un an, même si c'était en match amical, lors de la victoire au Stade de France 3-4 face aux Bleus. Eh bien, merci hein, Magnon. On va vous retrouver tout à l'heure avec Thierry Luters et Ebi Brouzakis pour nous faire vivre en direct ce premier match des Belges et des Italiens à l'Euro dans un bon esprit. On l'espère tant du côté des supporters que sur le terrain. En tout cas, il y a du respect entre les deux équipes. L'exemple avec les capitaines. Eden Hazard avait mis en avant Gigi Buffon en expliquant qu'il adorerait jouer avec lui un jour. Le gardien italien lui a répondu en conférence de presse. Jouer ensemble, ce sera compliqué vu la différence d'âge, mais Buffon est admiratif aussi du jeu du capitaine belge. Sì, lo ringrazio tanto. ti fa molto piacere. Oui, je le remercie beaucoup, c'est très agréable à entendre. Sur Hazard, il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. Son football parle pour lui, c'est un des joueurs qui sait être décisif en Europe, comme seuls quelques-uns d'ailleurs savent le faire. Pour nous, il est l'homme dangereux, et malheureusement, même si nous étions en mesure de le neutraliser, ne fût-ce qu'un peu, il y aurait de toute façon tous les autres, Lukaku, De Bruyne, Mertens, qui nous rendraient la vie difficile. Ci renderanno sicuramente la vita difficile. Belgique-Italie, ce sera à 21h tout à l'heure, si vous l'ignoriez encore, hein, n'oubliez pas. D'ici là, votre émission Bleu Blanc Diable vous attend sur Vivacité pour faire monter la sauce. Mais il y a aussi un match en cours pour l'instant, les deux autres nations de ce groupe E qui s'affrontent. Irlande-Suède, ça se passe au Stade de France. Zlatan est un peu chez lui, hein, il est encore un peu parisien. C'est la toute grosse ambiance, mais c'est toujours 0-0 après 13 minutes de jeu sur la pelouse du Stade de France. C'est après-midi, l'Espagne a réussi son entrée dans le tournoi. On l'oublie peut-être depuis leur déconvenue de la Coupe du Monde, mais les Espagnols sont doubles tenants du titre européen. Gagner 3 fois de suite, ce serait inédit. Et l'Espagne donc a gagné son premier match 1-0 contre la République tchèque. But tombé en toute fin de match. Une tête de Gérard Piqué, le buteur, à l'interview juste après la rencontre. On a eu du mal à marquer ce goal, mais comme on s'est créé énormément d'occasions, on a fini par marquer ce but qui nous offre la victoire. Oui, c'est toujours important de marquer un goal qui offre une victoire, mais c'est le travail de toute l'équipe. On a très bien joué en défense et nos attaques étaient bien construites, ce qui a permis de créer des espaces et qui donc m'a permis de marquer ce but. Et on termine ce chapitre euro avec un petit conseil aux supporters belges, ceux qui comptent se rendre sur un match des Diables lors de cet euro. Attention à votre comportement au stade. Interdiction, et ça semble logique, de monter sur le terrain, même pour fêter un but. Un supporter croate s'est permis ce débordement après le but de Modric contre la Turquie. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Croatie puisque les fédérations nationales sont responsables du comportement de leurs supporters. Toujours en football, mais chez nous, une innovation en Pro League cette saison. Après le taureau d'or, il y aura bientôt le gant d'or. En tout cas, le gardien ayant encaissé le moins de buts aura un signe distinctif au dos de son maillot. Le taureau d'or, c'est pour le meilleur buteur, vous le savez, c'était Jérémy Perbet cette saison. Pour le gardien, on n'a pas encore le détail visuel exact, mais ce classement de la clean sheet sera bien mis sur pied. À partir de la 4e journée de championnat, ce sera au mois d'août, le temps de faire tourner un petit peu les compteurs buts des différentes équipes. En parlant des gardiens, ceux du Standard ont un nouvel entraîneur spécifique. Philippe Van de Waal débarque de Malines après avoir déjà pris en charge les portiers notamment de Charleroi, Bruges, Gand, Mons ou encore ceux des Diables Rouges. Philippe Van de Waal qui a donc signé au Standard pour 2 ans. À Anderlecht par contre, toujours pas de coach principal à une semaine de la reprise. Nicolas Frutos, bien en place déjà dans l'organigramme du club, était pressenti mais ses fonctions, notamment auprès des jeunes Anderlechtois, ne lui laissent pas la possibilité de se consacrer pleinement à l'équipe première. En cyclisme, deuxième victoire en 2 jours pour Peter Sagan autour de Suisse. Il remporte la 3e étape en battant les Suisses Albasini et Dillier au sprint. Les 3 hommes qui ont résisté au retour du peloton dans les derniers kilomètres. Sagan fait coup double. Il prend le maillot de leader, place de leader au général, qu'il occupe 3 secondes devant le Belge Jürgen Roulans. En tennis, il lui a fallu 2 jours à cause de la pluie, mais l'Autrichien Dominic Thiem a remporté le tournoi sur gazon de Stuttgart tout à l'heure. Il a battu l'Allemand Kohl Schreiber 6-7, 6-4, 6-4. C'est le 4e titre de Thiem cette saison. Lui qui avait battu Federer en demi-finale de ce tournoi de Stuttgart. David Goffin joue sur gazon aussi cette semaine, le tournoi de Halle en Allemagne. Goffin officiellement sélectionné pour les Jeux Olympiques. Le COIB l'a annoncé aujourd'hui. Il sera accompagné à Rio par Janina Wickmayer et Kirsten Flipkens. Mais donc aujourd'hui, premier tour pour lui à Halle. Premier tour compliqué pour le numéro 1 belge contre le croate Borna Koric. Victoire en 3-7 pour Goffin. 7-6, 6-7, 6-4. David Goffin qui sera donc rentré à temps pour suivre lui aussi le match des Diables ce soir 21h. Un petit avis peut-être donc du numéro 1 belge sur ses comparses du foot, on l'écoute. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible, mais on verra bien déjà comment ça se passe dans les poules. Ils ont pas une poule facile. Ils ont une équipe en tout cas pour aller loin sur papier, mais bon, dans une compétition comme ça, il faut vraiment que l'équipe tourne bien. Il y a les blessés aussi, ça joue beaucoup dans une compétition comme ça. Donc c'est toujours dur à dire, mais en tout cas j'espère qu'ils iront très loin. En tout cas, ils ont l'équipe pour aller loin. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà, il n'y a plus qu'à, c'est dans moins de 3 heures, ce match Belgique-Italie. David Goffin qui était au micro, bien sûr, de Christine Anquet. La boucle est bouclée, on peut se lancer dans cette soirée foot noir, jaune, rouge. On va prendre la direction de la France. Saint-Etienne aujourd'hui pour votre émission Bleu Blanc Diable. David Oudret, Pascal Chimet, Benjamin Niquez, tout va bien? L'ambiance monte, même dans une ville où on n'est pas, entre guillemets, les diables? Bonsoir Lise, on est passé par Lyon avec le TGV qui nous a emmenés ce matin depuis Bruxelles. Et énormément, évidemment, énormément de supporters des Diables Rouges qui ont reconnu Pascal et Benjamin. On a eu l'occasion de discuter. Ils sont en forme, hein, tous les deux. Donc, nouveau trio pour cette quatrième soirée Bleu Blanc Diable. Merci beaucoup, Lise Burion. Le retour de l'info, ce sera, bien sûr, tout à l'heure à 19. Bon match. Allez les Diables, Lise. On y croit. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Bleu Blanc Diable. L'UEFA Euro 2016 avec David Oudret, Pascal Chimet, Benjamin Niquez et la rédaction des sports. Très heureux de vous retrouver. Quatrième journée de cet Euro 2016. Quatrième étape donc de notre voyage complètement foot à cette sauce bleu blanc diable. Trois soirées passées avec beaucoup de bonheur dans le nord. Nous avons pris la direction du sud-est. En effet, pas très loin de Lyon où le cœur des Belges bat très très fort depuis quelques jours et puis surtout dans quelques heures. On attend avec beaucoup d'impatience ce match Belgique-Italie à 21h ici en studio, installé dans les studios de France Bleu Saint-Etienne. Pascal Chimet, bonsoir Pascal. Bonsoir David, bonsoir à tous. Salut Benja. Salut Benjamin. Salut. Merci de nous rejoindre. Merci de m'avoir invité. Vous avez passé quelques soirées en télé. On va parler de ce début d'Euro en votre compagnie. Votre avis sur les différentes prestations des premières équipes en lice. Par contre, il se passe des choses dans ce match de 18h, donc entre la République d'Irlande et la Suède, Pascal. Oui, c'est toujours 0-0 hein, dans cette rencontre qui est nerveuse malgré tout. 18 minutes de jeu dans ce stade de Saint-Denis. Pas vraiment le retour de Zlatan à Paris, plutôt le retour de Zlatan en Île-de-France. Zlatan que l'on voit beaucoup mais pas en zone offensive. En ce début de match, c'est plutôt l'Irlande hein, qui garde le monopole du ballon et qui pousse, notamment qui profite des grands gabarits pour faire mal sur phase arrêtée. On a vu il y a de cela quelques instants que cette équipe de la République d'Irlande, cette équipe d'air, a failli justement se donner un petit peu d'air en failli inscrire ce premier but 1-0 avec un ballon arrêté et une déviation d'un des deux défenseurs centraux. C'était Clark qui a effleuré le ballon pour Oshie, ou plutôt l'inverse, Oshie qui l'a effleuré pour Clark, mais il a manqué une demi-pointure à Clark pour mettre ce ballon au fond. Donc match intéressant, mais pour l'instant c'est l'Irlande. Match important en plus, parce que ça nous concerne. Futur adversaire de notre équipe nationale, bien sûr. Donc match important, match intéressant, le stade est plein, l'ambiance est très très bonne d'ailleurs, et pour l'instant c'est l'Irlande hein, qui mène les débats. Émission spéciale Diable Rouge ce soir. Vous l'avez compris, l'entrée en lice de notre équipe nationale tout à l'heure à 21h, Belgique-Italie, ce sera en direct, bien sûr, et en intégralité avec les commentaires de Thierry Luters, Manuel Jousse, on vous l'a dit, on vous l'a répété, avec Ibi Brouzakis aussi, qui sera parmi ses supporters des Diables Rouges, nombreux supporters qui sont présents dans ce stade des Lumières, et puis toute l'équipe de Complètement Foot, donc en direct ce soir jusqu'à minuit avec vous, bien sûr, comme chaque soir depuis le début de l'Euro, 070-246-045. Vos SMS au 30-63, 50 centimes l'envoi. Hashtag c'est foot RTBF, le petit jeu du prono, bien sûr, lors de chaque rendez-vous des Diables Rouges. Ça fait déjà quelques heures que vous connaissez celui de Pascal. On va y revenir dans un instant. Benjamin, je sais que vous adorez cet exercice. Un prono pour ce match Belgique-Italie tout à l'heure. Je pense que la meilleure équipe va l'emporter. Et si c'est pas le cas, les deux équipes se retrouveront dos à dos. Plus sérieusement, vous pensez vraiment que ça va se terminer par un partage de frères? Non, mais je sais bien, c'est toujours la même réponse quand je pose cette question du pronom. Mais Benjamin, vous pensez que les deux équipes vont sans doute se neutraliser ce soir? L'impression, en tout cas. Finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise chose pour ces deux équipes-là de se neutraliser et de finalement prendre un point sur le premier match. Il n'aurait plus qu'à gagner un de leurs deux derniers matchs pour être sûr d'être qualifié. Donc. Mine de rien, je me dis que si chacun repart avec un nul, c'est déjà une bonne chose de faite, puisque bon, on sait que c'est les deux équipes favorites du groupe. Pas de score pour Benjamin, mais un score pour Pascal qui rejoint finalement l'avis de Benjamin. Oui, ben moi je pense que ça va se terminer en parité, un partout. Maintenant, si vous voulez un prono, histoire de dénoter un petit peu, je vais dire 1-2 pour l'Italie. Ah, vous changez, tiens, comme ça, c'est quoi? Vous êtes pris par l'euphorie du moment, de l'instant? Dans la petite vidéo que l'on a postée sur nos réseaux sociaux. Dans la complètement foot mobile. Voilà, histoire de me démarquer d'Alex Teclac qui avait dit 1-1. J'avais précisé que moi aussi, je pensais que ça allait finir en parité. Mais, allez, histoire de me débarquer, je vais dire victoire de la Squadra. 1-2, parce que les Italiens, étant quand même sur papier moins forts que les Belges, ils ont besoin beaucoup plus de la victoire que la Belgique. Donc, vous reprenez, comme d'habitude, votre costume de diable noir. Il n'y a pas de raison que ça change. Pascal Chimet, Benjamin Niquez, toute l'équipe de Complètement Foot vous accueille donc ici à Saint-Étienne, pas très loin de Lyon. Ben, c'est le principe de cette émission Bleu, Blanc, Diable. On va traverser la France du nord au sud. Hein. Pour rappel, on sera aussi dans les prochains jours à Toulouse et puis nous serons à Nice pour ce dernier rendez-vous du premier tour avec la Belgique. À l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle donc 070 246 045, vous nous appelez en direct, 30 63 50 centimes l'envoi. On attend vos pronos, on attend vos avis, on attend vos envies surtout ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous voir le match? En famille, à l'extérieur, les écrans géants, ils sont nombreux un peu partout en Wallonie, à Bruxelles. Expliquez-nous tout cela par SMS 30 63 50 centimes l'envoi, sur Twitter comme d'habitude. Communauté complètement foot présente comme à chaque fois, hashtag CFootRTBF. C'est parti donc pour cette émission spéciale en direct sur Vivacité, vivacité.be, le site sport de la RTBF, en direct jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit sur Vivacité, l'UEFA Euro 2016. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Van den Bord, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les 2 heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenbord.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Van den Bord, la confiance. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou 02 413 25 00. Avec Vivacité et l'avenir. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au Salon des Nouvelles Technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres de remise haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Bonjour, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Oh là là, Marc, t'as remarqué que ta voiture était complètement abîmée par la grêle? Hein? T'es sûr? Oh oui, et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. Ils m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un œil. Ils sont dans le zoning des Plaines à Thimistère-Clermont et sur piron.be. Jusqu'à minuit sur Vivacité, l'équipe de Complètement Foot vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. En direct donc ce soir pour cette émission spéciale jusqu'à minuit en direct de Saint-Étienne avec toute l'équipe. On va vous accompagner jusqu'à une heure avant le coup d'envoi. Et puis bien sûr Thierry Luters, Manuel Jousse reprendront le flambeau pour ne rien manquer de l'avant-match, l'hymne national, les hymnes nationaux que je sais que vous attendez avec beaucoup beaucoup d'impatience. Ce 13 juin, cette date que vous avez tant attendue, ça y est, nous y sommes. Et ce match tout à l'heure, Belgique-Italie, c'est en direct bien sûr sur tous les médias de la RTBF. Coup d'envoi à 21h et Bibruzaki sera aussi au milieu des supporters tout à l'heure à Lille. Lyon. Vos SMS arrivent, 3063. On rappelle ce message de Julien de Rochefort qui nous a demandé un 3-0 pour la Belgique. Allez, allez, la Belgique, tous avec vous. J'ai Laurent aussi qui me dit la même chose. 3-0. Un ami, 3-0. Il hésite même avec un 4-0. Très bien. Bon, mais bon, c'est un éternel enthousiaste. Enthousiaste. Ouais, c'est vrai. Optimiste, en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas avec les choix de Winmode, ce message aussi qui arrive. On doit tous être derrière nos diables. 3-1 pour notre équipe, nous dit Manu de Bastogne. 3063 sur Twitter, hashtag CFootRTBF. Pascal Chimé, Benjamin Niquez avec moi en studio. Et puis Christophe Reculé dans nos studios de Vivacité qui suit donc pour nous en direct au but par but ce match en direct de Paris avec ce match République d'Irlande-Suède. Christophe. Bonsoir Christophe. Mais bonsoir David, et on approche tout doucement de la demi-heure de jeu dans ce match. C'est toujours 0-0 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est très loin du match que l'on a vu juste avant avec l'Espagne. On n'est pas du tout dans la possession de balle qu'on a vu dans le match précédent ici. Contact physique, vitesse dans les transitions, centre, un jeu vers l'avant, dans la profondeur et avec des occasions surtout irlandaises pour le moment, avec une belle frappe de Hendrick dès la 9e minute et surtout une tête d'Oshi qui est passée juste à côté du poteau d'Isaacson. Côté suédois, on attend évidemment beaucoup de Zlatan Ibrahimovic, qu'on n'a pas encore beaucoup vu, il faut le dire, depuis le début du match, malgré un coup franc tiré, mais sur le mur, bien qu'il attire, comme vous vous en doutez, énormément de ballons dans le jeu suédois, mais évidemment, ne joue que depuis une petite demi-heure, c'est donc toujours 0-0. Christophe Reculé qui nous tient au courant donc de ce premier match de nos adversaires dans ce groupe E, très important, très intéressant. Vous les trouvez comment les Irlandais et les Suédois? On revient une nouvelle fois sur ce match, Pascal. Ben, les Suédois qui commencent à sortir un petit peu plus et on remarque que depuis que Zlatan est revenu un petit peu sur ses pas, un petit peu chercher le ballon, on le cherche et on le trouve beaucoup plus facilement. Il est un petit peu dézonné, il a délaissé l'attaque pour aller chercher les ballons. Et là, on sent que ses coéquipiers sont un petit peu au diapason. Donc, ils jouent déjà 10, voire 20 mètres plus haut depuis quelques minutes. Et ça va quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, depuis quelques instants, la possession, elle est clairement en faveur des Suédois. Par contre, il y a quand même une vraie toile d'araignée qui est tissée par cette équipe irlandaise qui est très bien disposée en 4-3-1-2. Donc, c'est pas mal, hein, ce système avec O'Hallan qui joue un petit peu en électron libre là-bas, qui se balade entre les attaquants et le milieu de terrain. Donc, il peut gêner, lui, directement le premier relanceur suédois. 2h30 avant le coup d'envoi de ce match, Belgique-Italie, c'est en direct sur Vivacité, c'est bleu, blanc, diable, toute l'équipe de Complètement Foot qui voyage, qui vous fait voyager, en tout cas je l'espère qu'on vous a donné envie d'aller à Lens, d'aller visiter ce Nord-Pas-de-Calais. On a parlé des terries, de la gastronomie locale avec l'inévitable maroilles, et puis donc aujourd'hui pour cette quatrième soirée, nous avons pris la direction de Saint-Étienne, TGV très tôt ce matin, Benjamin Niquez, chemin sans embûche, on va dire ça comme ça. Sans embûche, et pour une équipe Complètement Foot, c'est quand même rare, donc il faut le signaler. Vous visez quelqu'un en particulier? Non, absolument personne. Très bien, je vous en remercie. Pas du tout comme ça, ouais. Mais non, 8h15 ce matin, le train, et puis... La facilité quand même, hein. En 5 heures, vous êtes à Lyon. Oui, très très très facile. On doit dire que le réseau ferroviaire français est très bon. Comme vous êtes. Alors qu'on a eu une heure de retard entre Lyon et Saint-Étienne. J'ai dit qu'il était très bon. La SNCF n'a pas fait grève aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il était ponctuel, j'ai dit qu'il était très bon. Et puis après, bah, une petite erreur où on a dû attendre. Mais sinon, ça a été impeccable. Ça a été un plaisir d'arriver dans cette région. Première fois à Saint-Étienne, première fois dans la région? Non. D'accord. J'étais déjà venu à Geoffroy-Guichard d'ailleurs, ouais. Au stade. J'ai déjà joué quelques fois là-bas, donc c'était des bons souvenirs. Avant de parler de la Saint-Étienne, on le fera ce soir, mais encore plus bien c'est sûr obligé, dans la région, on est obligé de parler de on va même vous emmener visiter le musée des Verts au stade. Magnifique. Donc ça c'est pas mal. On visitera aussi la cité du design. Pascal, première visite ici à Saint-Étienne? Oui, c'est la première fois. Vous trouvez comment la ville? Très sympa, on n'a pas encore eu des masses de temps de la visiter, mais j'ai hâte déjà d'être demain matin pour commencer cette visite de cette ville qui a beaucoup à nous offrir, ouais. J'en suis sûr. Pas mal d'ambiance, c'est côté qu'on a déjà découvert vraiment dans le centre, piétonne, ces rues piétonnes, il y a pas mal de bars officiels de l'Euro 2016. On a croisé quand même des Portugais, des Islandais beaucoup qui joueront leur premier match demain. Beaucoup de Portugais et d'Islandais dans les rues de Saint-Étienne aujourd'hui. Pardon, Pascal, il y a une communauté portugaise apparemment très importante ici à Saint-Étienne, on aura certainement certainement l'occasion d'en reparler là aussi demain pour ce premier match. Et donc demain, nous serons en direct dans un de ces bars officiels de l'Euro 2016, ici installé par la municipalité stéphanoise. Et donc nous remercions officiellement nos hôtes, bien sûr, le réseau de Radio France, nos collègues de France Bleu, aujourd'hui installés donc dans les studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et merci à Nicolas et à Frédéric pour leur accueil, les ingé-sons qui sont là avec Petit Pierre, notre Petit Pierre national, Pierre Dewal, qui est arrivé à Saint-Étienne pour faire cette émission. Ouf, dit-il, en direct. Vos SMS au 30-63, 50 centimes l'envoi. Benoît de Namur qui nous dit 3-1, les Italiens craqueront physiquement. D'accord ou pas d'accord? Benjamin, un avis sur ça, sur le physique des Italiens? Étonnant comme message, pas, non? Ouais, je crois pas que les Italiens puissent craquer au niveau physique. Ils reposent toute leur stratégie, ils reposent sur une grosse défense. Donc, j'imagine que l'entraîneur a préparé son équipe en fonction et qu'il a mis l'accent sur la préparation physique. On sait que les Italiens, historiquement, sont très bons là-dessus. Donc, non, je crois pas qu'ils puissent craquer physiquement. Pascal? Il y a un truc intéressant que Benjamin évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'il disait l'Italie est la seule équipe des grandes nations entre guillemets du football à 7 euros qui n'a pas de problème de défense. C'est vrai, hein, Benja. C'est voilà. Les Français, on a souligné la défense. Les Belges, c'est un peu la même chose. On a vu les Allemands hier, pareil. Donc finalement, ceux qui ont une armada offensive, derrière, ils n'ont pas forcément d'assises défensives. Et l'Italie, on a l'impression qu'ils vont miser là-dessus. Alors est-ce que ça va être un championnat d'Europe avec comme au Portugal, avec une équipe comme la Grèce qui s'était imposée? Donc à surveiller si les Italiens vont pouvoir prendre confiance au fil des matchs. Sur cette bonne assise défensive, et pourquoi pas, on sait l'importance des phases arrêtées, et puis après offensivement je pense qu'aussi ils ont des atouts, faut pas rêver. Oui, en fait ce qui est primordial dans la philosophie pour vraiment comprendre à quel type d'adversaire on va avoir affaire ce soir, c'est que cette équipe, donc son sélectionneur, s'appuie sur la défense, sur une excellente défense qui est le bloc défensif de la Juventus. Au Real Madrid, il y a la BBC et en Italie, il y a la BBC. Donc il y a Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Et donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire, les fondations de cette équipe italienne. Par contre, ce ne sera pas une équipe défensive, parce que le premier relanceur, ce sera Bonucci. Tout à l'heure, je vous donnerai une stat sur Bonucci, qui est le défenseur qui a réussi le plus de passes sur l'ensemble des qualifications. Bien plus par exemple qu'un Toby Alderweireld, on verra ça avec détail tout à l'heure, un peu plus en détail, mais c'est une équipe qui est joueuse. Rappelez-vous le match amical que la Belgique a remporté 3-1. Il y avait des largesses défensives en deuxième mi-temps dans cette équipe italienne, parce qu'elle est joueuse, parce que son sélectionneur veut que cette équipe ne bétonne pas, mais elle aille de l'avant. Alors oui, elle s'appuie sur une bonne défense, mais elle s'appuie aussi sur un jeu assez direct sur les flancs. Pascal Chimay, Benjamin Niquez, toute l'équipe de Complètement Foot en direct de Saint-Étienne, Bleu, Blanc, Diable, émission spéciale jusqu'à minuit. Vous continuez à envoyer vos SMS. Olivier de Spa, match fermé, mais on émerge à la fin. 1-0, Command Belgium, 30-63, vos messages. Merci à Vivacité de commenter le match en direct. Je l'ai dit tout à l'heure, Thierry Luters, Manuel Jousse en intégralité cette rencontre. Il nous précise, seul moyen pour les policiers de suivre les matchs en live. On vous salue, bien sûr. Et puis Benoît de Namur, ils n'ont pas la fougue ni la jeunesse. Le match à Bruxelles nous l'a bien montrer. On continuera le débat, les analyses d'avant-match sur cette rencontre Belgique-Italie. Vos SMS donc 3063, hashtag CFootRTBF sur Twitter, et puis en direct 070-246-045 où que vous soyez, en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, n'hésitez pas, venez faire le débat avant la rencontre et puis tout à l'heure après ce match, bien sûr, au 070-246-045, et puis en direct de Lyon aussi, Vivacité, avec les supporters des Diables Rouges qui ont la chance de vivre ce match en direct du stade. Nous avons Félix qui est en direct dans ce bleu blanc diable. Bonsoir Félix. Bonsoir Université. Comment ça va Félix? Ça va, on est un petit peu serré dans le tram pour aller au stade. Je suis en direct dans la radio, chute si vous parlez en tram. Ah non, justement, il faut mettre de l'ambiance dans ce tram. Il y a des Lyonnais, il n'y a que des Diables Rouges. Je confirme que Benjamin Niquez n'a pas sauté, donc. Félix. Félix, un des supporters présents, bien sûr, c'est Diables Rouges, ces supporters des Diables Rouges qui font le déplacement à Lyon. Comment s'est passé le voyage? Ce voyage a commencé à quelle heure et comment pour vous, Félix? Nous sommes partis hier soir en voiture à 6. On a rempli une voiture et le trajet s'est bien passé. On a dormi hier soir, une grosse fête entre les Belges et les Italiens. Et puis aujourd'hui, on s'est levé et puis on a été refaire la fête avec les Belges et les Italiens. Bon, tout s'est bien passé. On a vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, et les photos, ça a beaucoup de contraste par rapport à ce qui s'est passé les précédentes journées dans cette Euro 2016. Partage, fête et beaucoup, beaucoup d'ambiance. Qui gagne ce match dans le match entre les supporters? Plutôt, vous allez pas me dire le contraire, mais plutôt vous les supporters des Diables Rouges ou les Italiens, Félix? Là, le match, il est gagné d'avance parce que les Italiens, on croise 1 sur 10 par rapport à nous. Bah, là, ici, dans le train, évidemment, il y en a 2-3. Bah, après, 1 sur 10, on n'en voit pas beaucoup dans la rue. Il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge à Lyon. Allez, Lyon, chante avec nous. Pascal, vous avez eu pas mal de retours aussi sur les réseaux sociaux qui confirment cette impression de marée rouge par rapport au bleu dans cette ville de Lyon. Oui, moi j'ai eu beaucoup d'amis italiens, soit des Italiens de Belgique ou même des Italiens qui habitent en Italie et qui ont fait le déplacement pour ce match. Et beaucoup me disaient qu'en fait, on voyait que du rouge dans cette ville de Lyon. On voit très peu de supporters français, mais énormément de supporters belges. Et les supporters italiens de Belgique me disaient... On voit plus de Belges à Lyon qu'en Belgique, quasiment. Donc, c'est quelque chose d'inouï. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie ferveur. Et alors, ce qu'on constate aussi, et ça, c'est peut-être une nouveauté dans la sociologie du supporter des Diables Rouges, c'est qu'il y a énormément de supporters présents à Lyon, mais qui ne viennent pas du sérail du foot, en fait. Qui ne sont pas des véritables fans de foot. Donc, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, etc. aussi. Et on constate que c'est vraiment un événement qui est fédérateur pour un autre type de supporters. Félix, toujours en direct dans cette émission Bleu, Blanc, Diable. Bon, vous avez joué au petit jeu du prono, vous avez eu le temps sur la route. Félix, vous êtes tous confiants. Est-ce qu'il y a, comme chez nous, y a-t-il un diable noir dans votre petit groupe qui a fait le déplacement aujourd'hui pour ce match? Un diable noir? Oui, nous on a un diable noir, il s'appelle Pascal Chimay. Vous savez, c'est une tradition dans cette émission Complètement Foot. Finalement, il voit quand même une victoire noir. De l'Italie 1-2. Il n'y a pas de diable noir chez nous ici, et tout le monde a vécu a misé sur au moins 2 voire 3 goals d'écart pour les diables. Sérieux? Oui. Bon, très bien. Je vous sens optimiste. Évidemment qu'on est optimiste, on ne s'est pas déplacé pour rien. Hein. Allez Félix, profitez, faites la fête, j'espère que tout... Allez, Félix, le club de supporters, le taureau de Donjolbert, on le rappelle, évidemment, la proximité du village natal de notre coach national Marc Wilmots et ce club de supporters Brabançon. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre régulièrement, vous les supporters des Diables Rouges, donc n'hésitez pas à réagir en direct. 30 63 50 centimes l'envoi si vous voulez un tweet, aussi hashtag CFootRTBF avec un prono. Continuez à nous envoyer votre prono. Benjamin voit s'imposer la meilleure équipe, on le sait, mais il voit quand même aussi un partage dans ce match, alors que Pascal Chimay, vous l'avez compris, voit une victoire de l'Italie 1-2, 0-70, 246, 0-45. Donc nous irons régulièrement prendre la température de l'ambiance à Lyon avec nos envoyés spéciaux tout à l'heure, mais avec aussi les supporters qui ont la chance d'avoir un billet. Mais vous qui êtes resté en Belgique, où allez-vous suivre cette rencontre? N'hésitez pas à nous joindre aussi pour nous partager cette expérience de ce soir, de cette première rencontre pour nos Diables Rouges en 7 Euro 2016. 0-70, 246, 0-45. Dans un instant, on va refaire un point sur ce match République d'Irlande-Suède. Toujours pas de but, je pense, toujours 0-0. Un petit mot sur cette rencontre, Pascal, parce que vous suivez cela avec attention. J'ai un peu de mal à voir l'écran en de fait, ce match. Pas de but, mais on a failli assister à l'ouverture du score en faveur de l'Irlande avec cette frappe sur la barre d'Hendrick, un tir des 20 mètres. Le gardien suédois Isaacson était battu, mais ce ballon est venu vraiment heurter de plein fouet la barre transversale. Donc, chaud d'alerte une fois de plus dans la défense suédoise. On fera un point à la mi-temps de ce match avec Christophe Reculé aussi dans les studios de Vivacité qui suit cette rencontre au but par but. C'est la première aussi, c'est l'entrée dans ce tournoi pour notre consultant Benjamin Niquez, en tout cas du côté Bleu Blanc Diable Radio, puisqu'on a eu la chance de vous voir sur le plateau télé, à côté de l'équipe de Benjamin de Soninck. Un bonheur partagé par, à mon avis, 500 ou 600 000 personnes hier devant la télé, au moins. Au minimum. Content pour eux qu'ils aient pu me voir. On va faire ça dans l'ordre, et ça va vous arranger, dans l'ordre chronologique de ce tournoi. La France, match d'ouverture face à la Roumanie. Un petit mot, Benja. La France, c'est qu'on sait déjà qu'ils ont gagné le premier match d'ouverture et qui gagneront le match de fermeture, de clôture. Donc c'est déjà une bonne chose. Après avoir supporté 3 jours d'Alex Teclac, je ne sais pas si je vais tenir les 3 suivants, voire les 6 de Benjamin Niquez. Vous plaignez officiellement d'Alex Teclac. J'ai oublié qu'on ramenait le Français à la maison. Et donc il reprend les mauvais réflexes et les mauvaises habitudes. Exactement. Non, les Français, oui, un but extraordinaire de Payet. Franchement, c'est... Une gestuelle, une rapidité d'exécution et un but extraordinaire, franchement, sans commentaire. Et je vous cache pas que vis-à-vis de tous mes copains en Belgique, ça m'a quand même enlevé une grosse épine du pied par rapport au fait que je me suis absolument pas fait chambrer et que c'est plutôt dans l'autre sens. J'attends aussi avec impatience le résultat d'aujourd'hui. Mm-hmm. Vous savez bien sûr que pour ma terre d'accueil, je suis quand même derrière les Belges. Mais j'ai pas envie que... Mais il faut pas pousser. Mais il faut pas pousser. S'ils pouvaient gagner juste d'un zéro, un peu ric-rac, comme on l'a fait face à la Roumanie, ça pourrait m'arranger. Mais si les Belges viennent à gagner 3 ou 4-0, comme certains me l'annoncent, je vais en entendre et ça va être une semaine pénible pour moi jusqu'au prochain match. Mais tout le mal que je souhaite aux Belges, c'est d'aller le plus loin possible, bien sûr. Voilà pour ce match d'ouverture. Après, on va pas détailler toutes les autres rencontres, mais quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné depuis ce début de tournoi? J'ai bien aimé la Croatie hier. J'ai bien aimé la Croatie, la Pologne, l'Allemagne. Finalement, ces équipes qu'on attendait et qui sont là. L'Angleterre qui a l'air un peu maudite au fil des années, au fil des compétitions. Et là, je découvre la République d'Irlande face aux Suédois. Et je dois dire qu'ils me surprennent et j'ai l'impression que les Belges ne vont pas avoir si facile que ça face à cette équipe parce qu'ils m'ont l'air bien, bien organisés et assez hargneux et agressifs. Et c'est un football qui ne convient pas forcément à l'équipe à l'équipe belge et à nos Diables Rouges. Pascal, réaction par rapport à ça? Oui, elle laisse une excellente impression, cette équipe d'Irlande. Elle n'est pas rugueuse, mais elle va au combat physique, elle est tonique et elle sait mettre le rythme. Alors c'est un football assez vertical, ils n'ont pas non plus transcendé l'histoire du foot, mais ils ont un coach très intelligent, qui est un routinier du fait, hein, Martin O'Neill, et là, elle joue avec ses armes, cette équipe d'Irlande. Par contre, c'est là où on se dit quand même, quand on voit la Suède, que Zlatan au PSG, il est quand même bien entouré. C'est là où on comprend que... Vous avez dit les 3 lettres importantes dans cette analyse. C'est là où on s'aperçoit que Zlatan, certes, c'est un grand joueur, mais il est aussi dans une grande équipe et une fois seul, bien sûr qu'il a déjà réalisé des exploits avec la Suède, on l'avait déjà vu. Mais ça lui demande encore plus d'efforts, alors que au PSG, ce grand club. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez donné les 3 lettres importantes dans cette analyse PSG. Et c'est là qu'on on s'aperçoit qu'il est très très bien servi, et puis qu'au final, il n'a plus qu'à finir le travail entrepris par les autres. On va faire un point donc dans un instant, la mi-temps de ce match entre la République d'Irlande et la Suède. Pas de but pour l'instant, toujours 0-0. Vos SMS au 30-63, Belgique 2, Italie 1, je croise les doigts. Et puis ces messages, calmez-vous les amis, le premier match va vite falloir trouver ses marques. Rappelez-vous l'Algérie au Mondial et l'Italie, c'est pas l'Algérie. Command Red Devils, bonsoir à tous, calmons-nous. Message qui va un peu dans le même sens, nous avons toujours des difficultés à marquer. Combien d'occasions nous faut-il pour mettre un but, plus les difficultés de notre défense. Malgré tout, je reste optimiste. 1-2-1 me semble possible avec beaucoup de stress durant tout le match. Command Belgium, nous dit Greg de Rancourt. Vos messages 3063, vos tweets, hashtag CFootRTBF, et puis vous prenez la parole au 070-246-045. Nous nous retrouvons donc dans un instant avec toute l'équipe de Complètement Foot pour la sauce bleu blanc diable, assure tout au long de cet euro. Dans un instant, toujours en direct de Saint-Etienne. Ne bougez pas. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? c'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque 6 fois. Sauf pour Audi. Il suffit de rappeler que pendant les Audi Days, les conditions sont exceptionnelles. Comme sur l'Audi Q3 Spring Edition avec plus de 4 300 € d'avantage. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Chez Vandenborre, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborre. En ce moment, chez Renault Néry, profitez de conditions incroyables sur tous nos modèles prêts à partir. Chez Renault Néry, offrez-vous une Renault 9 disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3 000 € d'avantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault Néry à Fléron, Grivenier et Liège-Buranville. On n'est pas des pigeons, vous non plus. On va s'entendre. Demain dès 11h, sur Vivacité. Vous n'aimez pas attendre. Chez Peugeot Shins, découvrez plus de 1000 véhicules de stock super équipés, disponibles immédiatement. Peugeot, près de chez vous, c'est Shins, bien sûr. Toutes vos adresses sur peugeotshins.be. Bleu, blanc, diable. L'UEFA Euro 2016, avec David Oudret, Pascal Chimet, Benjamin Niquez et la rédaction des sports. Et tout à l'heure en direct de Lyon et en intégralité ce match Belgique-Italie, coup d'envoi dans un peu plus de 2 heures maintenant à 21h, nous suivrons cela avec nos envoyés spéciaux Thierry Luters, Manuel Jousse et Bibrouzakis aussi au milieu des nombreux supporters des Diables Rouges présents à Lyon. C'est la mi-temps donc on vous l'a dit, confirmation de ce score à République d'Irlande-Suède avec Christophe Reculé. Oui, toujours 0-0 et toujours les plus grosses occasions pour l'Irlande avec entre autres Brady à la 29e. Une frappe sèche en dehors du rectangle qui est passée juste au-dessus de la barre qui a été frappée quelques minutes plus tard sur un tir d'Hendricks. Isaacson était battu, ça fait 4 occasions franches du côté irlandais, aucune pour le moment du côté suédois, pas encore de réaction. On voit Zlatan Ibrahimovic décrocher énormément pour venir toucher des ballons, lui qui a eu un petit tir non cadré, une reprise de volée mais qui est passée largement au-dessus du goal. On notera aussi une blessure du côté suédois, un remplacement juste avant la mi-temps, Lustig, le défenseur remplacé par Johansson. Donc bref, pour résumer, au point pour le moment, c'est l'Irlande qui gagne avec toutes ses occasions, mais au marquoir, c'est toujours 0-0. Merci Christophe. Christophe Reculé en direct des studios de Vivacité qui nous rejoindra tout à l'heure pour continuer à suivre ce match. Le premier match de nos adversaires, donc bien sûr les Irlandais et le Suédois qui en sont pour l'instant à égalité. Vous l'avez compris, c'est Bleu Blanc Diable en direct. Je vous le rappelle des studios de France Bleu. On salue hein, toutes les équipes ici à France Bleu qui nous accueillent. France Bleu, Saint-Étienne, Loire qui nous permettent d'être en direct ici dans cette magnifique ville stéphanoise que l'on va découvrir hors par heure, un peu de temps encore aujourd'hui avant cette émission spéciale, mais on le fera demain et puis après-demain aussi, 2 émissions spéciales encore en votre compagnie. On aura l'occasion de vous parler, je vous le rappelle, de la cité du design. J'ai découvert en préparant cette émission que, voilà, que Saint-Étienne était une ville spécialisée dans le design, donc on essaiera de comprendre pourquoi et puis on aura l'occasion, enfin il y a 3 choses importantes. Nous logeons dans le plus vieux hôtel de Saint-Étienne, donc on les salue, l'hôtel Continental avec entre autres Jean-Paul, l'hôtelier qui nous a très chaleureusement accueilli tout à l'heure. Et puis, nous irons aussi donc passer quelques soirées dans un des plus vieux cafés de Saint-Étienne. Et nous irons manger demain midi, déjeuner, dans un des meilleurs restaurants de la ville. Donc, je propose que nous passions quelques heures supplémentaires à partager ce plaisir d'être ici en France. Vous nous gâtez, et à Saint-Étienne. Hein, David, on essaie de faire les choses convenablement. Bon, accessoirement, on vous parlera des verres. Il paraît qu'il y a un bon club de foot ici dans le coin. Donc, je pense qu'il y a une histoire importante à partager aussi avec vous lors de ces prochaines heures et de ces prochaines émissions. Comme à chaque fois sur la page de l'émission Complètement Foot sur vivacité.be, vous avez toutes les infos des lieux que nous vous proposons de visiter lors d'un futur voyage en France. Pourquoi pas, ça reste quand même la première destination. Vous savez que j'aime beaucoup rappeler ça, Pascal, ça reste la première destination tourisme des Belges. C'est Bleu Blanc Diable, 070 246 045, 070 246 045. Prenez la parole où vous soyez pour suivre ce match tout à l'heure Belgique-Italie. Vos SMS 30 63, il y a de nombreux messages qui arrive avec des propositions de pronostics. Je vous rappelle que Benjamin Niquez voit plutôt un partage dans cette rencontre et que Pascal Chimet voit une victoire de l'Italie 1-2. Donc réagissez, s'il vous plaît, hashtag CFootRTBF aussi sur Twitter. Certes, on va beaucoup s'intéresser à ce groupe E, à ces premiers matchs donc, de ce groupe E, Pascal, mais il s'est passé encore pas mal de choses dans cet Euro 2016, avec quelques infos à partager sur tout ce qui se passe aussi dans les autres villes organisatrices de ce championnat d'Europe et puis dans les autres QG des différentes équipes nationales, Pascal. Oui, vous savez que... généralement, quand il y a une grande compétition comme cela, les supporters prennent d'assaut les différents hôtels et réservent à tout va. Faut savoir que, surtout dans la région parisienne en Île-de-France, moins de 50% des hôtels sont remplis. Et donc, il y a eu un petit coup de gueule poussé il y a quelques heures, quelques jours par le syndicat des hôteliers de France. Maintenant, de plus en plus, alors qu'en 98 ou en 98, lors de la Coupe du Monde, tous les hôtels étaient quasiment remplis à ras-bord. Bah ici, c'est plus du tout le cas. Pour l'instant, il faut dire que, honnêtement, si vous faites attention, certains hôtels ont quadruplé, voire quintuplé le prix de leur chambre. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, avec Internet, on s'est réservé in extremis une chambre d'hôte. Il y a les particuliers aussi qui louent leur chambre ou leur maison. Donc voilà, il y a beaucoup de concurrence. Et donc, voilà, il y a un petit coup de gueule poussé par les hôteliers ici dans l'Hexagone. Un petit coup de gueule français, c'est étonnant ça, Benjamin. Étonnant qu'ils aient pas fait grève encore, mais ils doublent ou triplent ou quadruplent les prix et puis après ils se plaignent. Donc il y a malheureusement. Qu'ils fassent les prix qu'ils pratiquent habituellement et ils seront fous les... Enfin, je comprends pas un peu le principe, mais bon, ça reste aux Français de se plaindre. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir en dehors de cet Euro 2016. Par exemple, à Saint-Étienne, l'accueil fut chaleureux, pour ce qui nous concerne. Bonne forêt, bien sûr. Et n'hésitez pas à porter les couleurs de nos diables rouges. Je pense que ça a fait déjà effet en ville. 30-63, trop enthousiaste les supporters belges. 0-3 pour l'Italie. Retour à la réalité. Signé Carmelo. Trop d'euphorie dans l'attitude des supporters belges. Autre message une nouvelle fois dans le même sens. La défense de la Juve, c'est la meilleure d'Italie et une des meilleures d'Europe. Faut pas l'oublier. Faudra aller le pousser, le but chez Buffon. L'Italie sonne avec expérience, tout le contraire des diables. 30-63, Jean-Guy d'Andorlet qui dit 2-1 pour la Belgique, comme à l'Euro 72, Van Moor, Van Imst. Dernière victoire en match officiel. L'Euro 80, un match nul. L'Euro 2000, une défaite. Voilà, ce SMS au 30-63. Continuez à nous envoyer vos messages aussi sur Twitter, hashtag CFootRTBF, Pascal. Alors, petit quiz. Aïe. Question pour un crampon, Benjamin. Question pour Benjamin, alors. Question pour un crampon, Benjamin. C'est parti. Quel est le nom de la mascotte de l'Euro 2016? Alors là, tadadadam, roulement ça de tambour. Ça commence par Vic, ça termine par Thor, je pense. Allez, Footix. Ah, pas loin. Victor. Super Victor. Alors vous savez qu'il y a une polémique qui entoure Super Victor. Vous êtes au courant de la polémique qui entoure Super Victor? C'est bien parce que dans 10 ans on dira plus t'es un footix, on dira t'es un Super Victor. Super Victor. Notez. Attendez, ça c'est quand la Belgique sera champion d'Europe et on aura gagné ce tournoi contre vous. Et notez qu'en Angleterre, certains appellent d'autres ou plutôt certains objets les Super Victor parce que c'est le Guardian, le quotidien anglais qui nous apprend cela. Au fait, Super Victor, donc le nom a été trouvé par la société Big Company qui est basée non loin d'ici, pas loin de Saint-Étienne, du côté de Lyon. Et donc le nom de la mascotte a été trouvé le 18 novembre 2014. Donc plus de deux ans, quasiment près de un an et demi avant le début de la compète. Et donc Super Victor, vous l'avez vu, hein, c'est ce petit garçon qui est souriant, muni de super pouvoirs, qui arbore fièrement les couleurs de la France et de l'Euro avec une cape rouge, digne des meilleurs super héros. Sauf que le Guardian. En Angleterre, le Super Victor, c'est un jouet sexuel, c'est un sextoy. Et donc le Guardian dit, mais enfin... Qui ressemble à quoi? Ça, j'ai pas été voir, David. Je n'ai pas poussé l'investigation jusque-là. Si vous voulez, après l'émission, on peut regarder. Et donc, le pire, c'est que le Guardian a contacté l'UEFA pour dire, mais vous savez que Super Victor, en Angleterre, ça se vend par milliers et ce sont des sextoys. Et l'UEFA répond ceci, alors c'est exceptionnel, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas fabriqués par l'UEFA. Donc les sextoys Super Victor. Donc voilà, il y a plusieurs prénoms qui avaient été proposés par les organisateurs au moment de la création de la mascotte. Et puis c'est Super Victor a en fait été choisi par les internautes. Et il a devancé Dribblou ou Golix. Donc super victoire, après tout, c'est pas si mal. Oui, c'est pas si mal, parce que Golix... Bah, après Footix, Golix, ça aurait été magnifique, non ? Oui, c'est vrai que... Bon. Voilà, il a la Golix. Oui, c'est ça, j'allais dire, on reste dans le thème, finalement. Le temps, vous êtes permis, Pascal, très bien. Comment on arrive encore, après autant d'années, à avoir une mascotte et à faire... Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Non ? Bon, pour les gamins, pour les enfants. Non, les peluches, hein, y a le merchandising autour de ça aussi. Achetez-leur. Il est beau, Super Victor. Achetez-leur un ballon, ça sera mieux. Vous avez vu le prix du ballon officiel de l'Euro. Bah alors, si c'est pour enfants, peut-être que si la taille est plus petite. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est très réussie en plus, cette mascotte. Il a une bonne bouille. Il a une bonne bouille de français. Il a une bonne bouille de petit français, c'est Super Victor. Il a une bonne tête de champion, Super Victor. Très bien. Dernière petite info, rapidement, juste avant les infos de 19h. On est à Saint-Etienne. Demain, le premier match à Geoffroy Guichard. Islande, Portugal, vous savez que 10%, c'est pas une blague, 10% de la population islandaise s'est rendue en France. 10%. On fait le déplacement. Ça fait près de 330 000 habitants, 10%. Il y a plus de 30 000 Islandais ici à Geoffroy Guichard. Pascal Chimay, Benjamin Niquez, toute l'équipe de Complètement Foot Bleu Blanc Diable en direct de Saint-Etienne. Dans un instant, sur Viva les infos. Bonjour, c'est Divock Origi. Convivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, Blanc, Diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés. Où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. De force, où est l'MNC ? J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui. L'andalouse préférée des cocoteurs, la voilà ! De Vos Lemens. À table ! Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Il est 19h. David Riffon, bonsoir. En football, on va donc avoir en tout cas un premier élément de réponse ce soir. La Belgique entre en lice à l'Euro, c'est dans tout juste 2 heures à Lyon face à l'Italie. Les hommes de Mark Wilmots n'ont pas tout à fait rassuré, notamment en défense lors des rencontres de préparation. Ce soir, place au premier grand test face aux Italiens, adversaires certes annoncés moins forts que les autres années, mais qui reste une équipe extrêmement coriace en tournoi et peut-être un des favoris cachés. En tout cas, les Belges ont déjà remporté une victoire, celle de la avant-match, avec une ambiance très festive dans les rues de Lyon depuis ce week-end. Des milliers de supporters noirs, jaunes, rouges ont investi le centre-ville de Lyon et rivalisent de chants et de danse.